Pamela. Tout à l'heure, avant minuit, les pervers de Pamela, très bien. Ah, nickel. Toi, Samy, t'as choisi. Je crois c'est que ma chouchou, touche. Pamela. Je crois que j'ai une touche. Ouais, belle. Cool. Moi aussi. Non, pas du tout. Ah, toi, tu bonjour, ma belle. Ouais. Ah, ouais. Je reviens tout à l'heure, moi. Voilà. Ouais, ouais. Salut les filles. Salut les filles. Et pourquoi tu dis salut les filles alors que je suis toute seule? Ah, oui, c'est vrai. Elle a peut-être pensé à la Marie. Ah, peut-être. Ah, bah, moi, ouais. Moi, tiens, Romano, moi, j'ai un truc pour toi. C'est quand tu l'as. Ma victoire, une victoire au clash. Non. J'ai choisi un clash, mais de manière complètement hasardeuse. J'ai pris au hasard parmi mes clashs préférés. Ah ouais. Un clash collector tout à l'heure. Et sinon, c'est quand tu pars à la recherche de têtes de tortue, car j'ai des numéros de téléphone de têtes de tortue hier dans l'émission. Pas autre chose. Hier, tu te rappelles, t'as retrouvé ta gothique. Il a retrouvé sa gothique. Ouais, ouais, j'ai passé la nuit avec elle au cimetière. J'avais rendez-vous pour les nouveaux, la c'est dernière minuit des sur une tombe. Une très belle histoire d'amour qu'il a eu avec cette gothique. Et avec tête de tortue. Non, mais il n'y a pas autre chose. Pour qui pue, tu veux. Il n'y a pas autre chose. Putain. Pour qui pue et tête de tortue. Ouais, les deux, carrément. Ouais. Putain, je suis gâté. Avant 10h, ouais. C'est promis, c'est pour toi. C'est bien là. Non, cool, je reste alors. Peut-être un moment très très émouvant. On va sortir les violons tout à l'heure. Et alors, Marie, t'as choisi quoi, toi? Bah, moi, j'ai choisi grosse pensée à Momo. En fait, il m'avait éclaté de rire quand il regardait un match de basket dans le bureau. Ah oui, c'est et vrai. Et il gueulait derrière la télé. Ah, tu veux retrouver. Je trouve ce moment énorme. Eh bien, avant minuit, énorme comme Momo. Ouais, exactement. Avant minuit, eh bien, on retrouvera tout ça. Entre autres, hein, parce qu'on va parler de plein de choses pendant l'émission. Alors, comment savoir si on est cocu? Ah. Ben, on aura peut-être la solution là. Dans pas longtemps, on va prendre Valmy. Et Valmy, lui, il a une petite idée. Vous savez, c'est pas mal. On partira à la recherche donc de ton ex, Romano. Ça sera un autre moment d'amour dans l'émission. Cool. Vous avez des petits frères, des petites sœurs, c'est des petites saloperies. Restez bien là parce qu'on en parlera avant minuit. Et on va parler de trucs qu'on a envie de faire quand on fait l'amour. Absolument, ouais. Rappelez, cette semaine, on va parler des trucs qui dégoûtent quand on fait l'amour. Ouais, ouais, ouais. Et bien aujourd'hui, on va prendre le truc inverse. Et d'ailleurs, on va prendre Yanis là tout de suite avec nous. Yanis dans le 62. Salut Yanis. Allô. Allô, Yanis, 15 ans. Ouais. Ouais, bienvenue à toi, Yanis. Voilà, bonjour. Bonjour. Ah, bonsoir. Bonjour, bonsoir. C'est comme tu veux. Bon, qu'est-ce que tu. Ah oui, donc toi, t'as envie d'essayer un truc sexuellement avec ta copine, parce que t'as une copine, c'est ça? Ouais. Et tu sais pas trop comment lui faire accepter. Ouais, voilà. Putain, alors, commencez déjà à réfléchir, Marie, on a la langue qui pend. Non, bah oui, bien sûr. Non, c'est mon bouton de vérole. Ah, non, excuse-moi, je crois que c'était ta langue, Marie. Non. Alors, c'est quoi? Non, mais il part déjà, là. Quoi? Ton bouton de vérole? Ça y est, je sens qu'il se bat. Ah ouais? Voilà. Ouais. Bah écoute, va voir dans la glace, tu vas voir s'il part, là. Bon, on va découvrir donc ce que t'as envie de faire à ta meuf. Bon, les filles, si vous aimez pas, vous avez le droit de refuser, hein. Et toi, t'as peur qu'elle te. Ah, bah ça, c'est sûr. Toi, t'as peur qu'elle trouve ça trop chaud, Yanis? Ouais, en fait, j'ai peur qu'un pro pour un obsédé ou un pervers de un obsédé, ouais, ou un mec qui fait des. Qui regarde trop les films de cul. Ouais. Absolument! Ça dépend, ouais. C'est quoi ce que tu veux faire? Ça, les filles. On va savoir, ça, Marie. Bon, moi j'ai une petite idée, mais. Ouais, moi aussi. Tu penses à la même chose que moi? Alors. Je sais pas, moi je pense à la porte arrière, moi. Ouais, moi aussi, je pense à ça. Au backdoor. La porte arrière. La boîte à cookies, quoi. La boîte à cookies. La porte arrière, c'est le la classe. Backdoor. C'est ça, toi. Ok. Donc autrement dit, là... Le trou de balle. Le trou de balle. L'anus. L'anus, voilà. Le cul, quoi. Bon, on va savoir dans un instant. Le trou du cul. Et puis dites-nous si vous avez, vous aussi, des trucs que vous n'avez peut-être pas osé faire et que vous aimeriez bien faire à votre copine. Ou le à trou votre, de fion. Ou à votre mec, hein, les filles. Parce que Marie, elle, parfois... T'es jamais posé la question, Marie? Qu'est-ce que tu quand tu joues avec la porte arrière, backdoor... boîte à cookies. La boîte à cookies de ton, qu'est-ce que je de me suis ton demandé mec. Tu t'es jamais demandé si ça pouvait pas le choquer? Oh non, bah non, parce que je le fais intelligemment. Intelligemment, ouais, mais il se prend quand même un doigt de cul, un doigt dans le cul intelligemment. Non, ou pas, déjà, je le fais pas tout de suite, puis je tape le terrain, donc je vois s'il est open pour ouais, ça ou pas. Tu vois, si l'anus s'ouvre ou se ferme. Bah ouais, j'y vais petit à petit. Et puis c'est pas sur une relation, tu vois. Et quand t'as l'anus qui se referme, comment tu réagis? Bah je l'écarte. Non, mais non, certainement pas. Pied de biche. Je défonce la porte. Quoi? Marie, elle défonce la porte. Marie, elle a un écarteur à cul. Mais non, s'il a pas envie. Je l'ai piqué à mon gynéco. Je vais pas le forcer s'il a pas envie. Attends, il m'a cru. Allez, laisse-toi faire. Bon, mais bon, il y a des mecs qui aiment pas. Donc vous nous dites si vous avez déjà vous aussi des envies comme ça. On attend vos messages 41759 skyrock.fm, l'appli Skyrock pour nous envoyer tout ça, des trucs dont vous avez envie, enfin que vous avez envie de faire et que vous avez pas fait parce que vous vous dites ouais c'est peut-être un peu chaud. Toi tu trouves que c'est un peu chaud? Alors je l'annonce à tout le monde, il ne s'agit pas de la porte arrière. Ah oh, quel dommage. Je sais, Romano, quel désespoir. Mais bon, mais on en saura plus dans un instant. Dans le grand jeu de Yanis pour démarrer ce vendredi soir. Ouais. Le retour mais tout de suite. Alors attention, oui Yanis, on te retrouve, mais d'abord le double appel, le premier de la soirée parce qu'Arim il en a choisi un autre. Ouais. Ouais. Et ben c'est parti, double appel collector. On y va. Non, c'est vous qui nous appelez, monsieur. Aucun des deux n'a appelé l'autre. Ouais, bah moi je t'emmerde. Le double appel de Default sur Skyrock. Bah, et moi alors, c'est pif au cul, hein. Ouais, bah voilà. Ah ouais, avec toujours de bons rapports entre les familles, comme on les aime. Eh bien oui. C'est nous qui appelons hein, au final. Hein. On appelle deux familles en même temps, on les met en contact. Ouais. C'est l'heure du double appel et nous on attend de voir ce qui se passe. Alors peuvent participer à ce double appel uniquement les pros du double appel. On a nommé comme pro du double appel le magnifique Patrick. Patrick. Lui-même. Branche-toi un peu. Non, on va déjà passer un coup de fil, après on se branlera peut-être. T'as mis un petit peu d'eau dans la chatte là ? Non, pour l'instant j'ai rien mis du tout. Vas-y, bah, tu peux y aller, dis full top chat. Donc Patrick et Cédric peut intervenir également pour nous faire son célèbre. Oui. Salut les filles. Salut les filles. Bon alors, chez qui qu'on va ? Chez Claudine et Gérard. Très bon prénom. Ah c'est ouais, des c'est que vous joli. Avez laissé, donc je sais pas où c'est en France. Claudine et Gérard, et on va dans un endroit inconnu. C'est ça. Claudine et Gérard. Allez Clo-Clo. Allez GG. Allez Claudine, allez Gérard. Et merci pour les encouragements pour le double appel. Bonjour à Ben Gouz à la télé. Allô ? Allô ? Allô ? Oui, oui, bon. Ah. Oui. Oui, ben je vous écoute. Ben moi non, c'est moi qui vous écoute. Ah non, ben écoutez, je suis désolée. Je viens d'avoir un appel. Allô ? Oui, pourquoi vous m'appelez ? Je suis en train de m'assurer là. Non, mais ça va pas vous. Mais tu es toujours aussi chaude. Non, mais vous courez de comment on dit, de numéro, monsieur, là. Rappel. J'ai un membre de 21 cm. Va te faire enculer, connard. Oui. Ah oui. Alors, vous appelez qui? Mais non. Ah non. Non, non, non, j'appelle personne, moi. Si on pouvait faire une petite partout. Vous appelez pas, connard. Vous appelez qui? Mais je sais pas votre numéro, là. Une fois l'enregistrement. Non, mais attends, je vais appeler les flics, moi. Tu vas voir. Ouais, je suis en train de me branler, là, bien comme il faut, là. Je me branle, oui, connard. C'est bien. Vas-y. Branle-toi un peu. Allez, vas-y. Branle-toi un peu. Oui, non, c'est bon, Patrick. Il arrive, là. Branle-toi un peu. Très bien. Partis ah, tous. C'est bon, là. Ils sont partis. Ils sont partis tous. Bravo, Claude. Ah ouais, bravo, bravo, bravo. Et surtout, Gérard. Bravo, Gérard. Mais quelle voix, ce Gérard. Qui était quand même le plus sensuel. Marie, j'imagine que tu mouilles. Ah bah, mort. Ah oh, bah, t'imagines. C'est obligé, clair là. T'entends Gérard comme ça. Le mec, la voix qu'il a. Moi-même. Il a une voix de dessin animé, quoi. Moi-même, je regrette de ne pas être une fille. Regarde, la voix trop sexy, nous dit Maximus, 15 ans. Ah, mais mort tellement. De rire, Gérard. Quelle voix sexy. Trop bien pour Thibaut de la team Le Belge. Salut à toi, Thibaut. C'est vrai, je leur mène. Allez, je leur mets un beau 18, moi, à eux deux, là. C'est mérité. Oh, ouais. C'est mérité. Oui. Bravo. Bravo, les familles. 18 sur 10. Bravo. Ouais. Bravo, les familles. 18 sur 10. Et avant minuit, alors oui, restez bien là, parce qu'Arim, t'as choisi un super double appel. Ouais. Celui qu'on a fait mercredi soir, si vous l'avez loupé, et même si vous ne l'avez pas loupé, soyez là, on se le mettra vers la fin de l'émission. Il y aura du Pamela. On oui. retrouvera également les pervers de Pamela, bien sûr. Hein. Bah, j'espère bien. Ouais, on retrouvera également Cédric bloqué dans l'ascenseur. C'est ce que tu as choisi ce soir, Romano. Ouais, ouais, c'est ma sélection. C'est ouais. un bon souvenir, ça. C'est pas mal. Ouais, c'est clair, on avait rigolé. Ouais. Ah là, ouais. Grosse pensée à Momo qui regarde un match de basket. Ah ouais, c'est ce que Marie a choisi. Ouais, il ouais. fou devant. Ouais, et donc on a choisi plein de bons moments d'émission. Et j'ai choisi un super clash de la drague, un de mes préférés d'ailleurs. Mm-hmm. Je sais pas qui gagne. Je ne ouais. ah, sais pas. Mais j'ai choisi ça et on se mettra. Bah ouais, on aura rendez-vous avec le clash là tout à l'heure sur Sky. Bah bien sûr. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, et puis on joue depuis le début de l'émission. Alors on joue avec Yanis. Alors Yanis, toi t'as envie de. D'ailleurs, ça fait combien de temps que tu es avec ta meuf, toi? Ça fait 6 mois que je sors avec. 6 mois que tu sors avec. Bon, vous faites l'amour, j'imagine. On l'a déjà fait une fois, mais bon. Ouais. Ah, une fois seulement ? Ouais, bah. Ah ouais. Je vais peut-être un peu vite. Ah, d'accord. Et donc, il y a un truc que t'aimerais lui faire. Alors, vous avez fait plein de propositions, hein. Alors, c'est pas la boîte à caca, comme l'a proposé Marie et Romano, comme l'ont proposé Marie et Romano. Bah, on a pensé à ça tout de suite. La boîte à nuts. Non, ce n'est pas la boîte à nuts. Alors, on nous dit la levrette, c'est Moukir qui nous ah, oui, a envoyé un message. De, ouais, de levrette. Pas de levrette, case. Tout simplement, peut-être la pipe. Non, c'est pas la pipe non plus. C'est osé. Case, lui, nous dit sodomie, soumission faciale, plan A3. Bah, rien de tout ça, ok. C'est pourtant, t'en as mis 4 à la fois. Tu sais? Plan A3, non plus. Ah, j'ai dit, en ah premier. Ah oui, c'est vrai, tu l'as dit, tu l'as dit exact. Donc, c'est pas ça. Alors, je propose la fellation. Tu veux qu'elle te lèche les fesses? Non. Pourquoi tu veux ça, je Marie? Je cherche. Mais je cherche. Non, mais au bout d'une fois, en plus. Alors, vous avez fait quoi votre première fois? T'aimerais lui gicler sur les seins? Lui gicler sur les seins? Oh, lui faire une faciale? Non, non. Ah, c'est non. horrible. Ni gicler sur les seins, ni faciale. Yanis. Lui gicler dedans? Non. Non. Ah, c'est quoi? Putain, c'est un truc chaud ou pas? Ouais. Enfin, c'est chaud. Oui, pour après, on va dire qu'après une relation, c'est peut-être un peu chaud. Se filmer? Ah, se filmer, faire une sex tape. Non, pas de sex tape. Tu veux lui mettre ton poing? Mais non, c'est chaud. Moi, je cherche. Ah ouais, Marie. Marie, non, mais. Faut se calmer un peu. Ah ouais, tu veux, je sais pas, lui faire un cuni. C'est pas con, ça. Non, c'est quelque chose qui claque quand même. Tu veux lui faire une fessée? Un truc à trois. Une chose qui quoi? Un truc à trois, non, fessée, non plus. Un truc qui. T'as dit un truc qui claque? Quoi? Ouais, un truc qui claque. Des fessées? Non, autre chose qui claque? Non. C'est pas baf? Le cul? Le fouet? Romano, t'es pas loin. Bah ouais, t'es pas loin. Baf. Tu l'as biflé. Il tire les cheveux. Ah, il a trouvé. Ouais, c'est de la biflé. Bonne réponse de Cédricain. Merci, merci. Ah, ça dégoûte. La biflé. Hein. Ah, ça me fout la haine, moi, que t'es trouvé. Ouais. Ah, je crois que c'était la bif qui te dégoûtait, Romano. Perso, je m'en prends pas, mais après, moi, j'aime bien la donner, moi. J'aime bien une petite bifle. Ouais, comme ça, tu peux. Mais pourquoi t'as envie de lui faire ça à ta copine? Bon, bah, quand je regarde des vidéos de cul, bah. Alors, si vous mettez des films de cul, faut pas tout faire ce que vous voyez dedans avec une meuf que vous connaissez depuis pas très longtemps, par exemple. Surtout, ouais, mais là, ça me. Elle doit. Là, ça m'excite. Oui, ben, bah, des fois, il faut se retenir. Ah, bah, parfois, il faut savoir se retenir. On n'est pas des bêtes, à part Cédric. Ça va. Calmer, toi. Non, mais c'est vrai. Non, mais à un moment donné. Une bête. Des fois, t'as envie de faire des trucs avec une meuf, tu vois, mais il faut se dire, oula, du calme. Oui, du calme. Non, mais en plus. C'est... Parce que la meuf, tu risques de la choquer. Hein. T'es une de ses premières relations, non? Ouais, bah non, ça fait longtemps, mais c'est la première fois que je couche avec une fille. Non, mais elle. Oui, mais elle. Elle était plus celle ou. Non, elle était plus celle. Ah oui. Ah, ouais. Plus, ah non, oui. Mais attends. Donc, non. Tu vas loin, toi. T'es parti, toi. Donc la bifle va falloir attendre. Ah, ah ben bon ça courage. C'est clair. Non mais pouvez nous dire par contre les filles, on peut faire un sondage express si vous voulez. Sondage express. Allez, sondage express sur la bifle. Les filles, bon de tous les âges, hein, vous nous dites. Vous aimez ou vous aimez pas la bifle? Tiens, Marie. Aucun intérêt pour moi. T'aimes pas? Non. Bah si, ça fait un peu. Je te domine avec. Bah, mon sexe. Bah je sais pas, déjà on me l'a jamais fait. On t'a jamais biflé? Non. Bah écoute, attends Marie. Comment c'est possible? Non, ça pas. Vas-y, t'as la lumière, Cédric. Non, mais c'est pas un truc que je kifferais, tu vois. Moi, j'aime pas trop ça. Est-ce que tu peux sortir pour que j'arrive à bander? C'est quoi des bifles, nous demande Bala? C'est une claque avec ta bite. Ouais, c'est ça. Mélange entre bite et gifle. Non, mais moi, ça m'attire pas du tout, ça, tu vois. T'as jamais un mec qui te l'a fait? Ah non. Mais c'est hallucinant. Non, mais genre, tu. C'est hallucinant, tu l'as fait, toi? Bah ouais, je l'ai fait. Ah non, mais non, mais. C'est un mec qui te le fait, tu réagis comment? Bah si j'aime pas, je lui dis, hein. Et arrête, je te casse la vite. Ah, l'autre, ça l'excite, là. Non, il n'y a pas de risque. Il y a Jules qui dit donner des bifles, c'est trop bon. Mais bon, il faut que ma meuf aime. Oui, bah ça c'est sûr. Ouais. Ah bah ça, ouais, après, ouais. C'est pour ça que là, étant donné que c'est la deuxième fois, je peux te dire, n'y compte pas. Ah bah non, mais oublie tout de suite, ne lui en parle même pas, elle va te prendre pour un. Mais déjà, elle te suce par exemple? Ouais. Ouais. Ouh là, calme-toi. Eh, du calme. Eh, hey, Yanis, dans super. Quelques années, on te retrouve parmi les pères. Ouais, c'est clair. Ouais, t'as les hormones en feu, ouais. T'es chaud. Ouais. Ouais. Mais j'ai une technique pour toi, si tu veux. Une technique de quoi? Tu peux commencer par genre lui dire attends, tire la langue, et tu lui tapes ta bite sur la langue, et après ça viendra doucement. Tire la langue, j'ai une surprise. Non, mais. Quand t'es dessus, tu vois. Oublie pas qu'elle a fait l'amour la première fois, une fois donc, avec toi. Donc faut peut-être attendre un petit peu avant. Non, ah ouais, l'autre. Moi je dis que c'est mort, moi. Ouais, ouais, faut lui laisser le temps un petit peu. Ah non, mais c'est pas mort, mais prendra du temps. Les filles, vous réagissez pour la bifle. Regardez, Baboun, 19 ans, qui dit la bifle, c'est gore, y a rien d'excitant. Ah ouais, n'aimez pas. Moi, la bifle, c'est une baffe directe. Il a pas intérêt. Oula, Soraya, faut pas chercher. Ah ouais, toi, t'es. Ah, yo, t'es pas commode, hein. Marie Corse, qui nous dit, c'est nul, la bifle, ça sert à rien. Rien d'excitant. Moi, je suis assez d'accord avec vous. Hein. Non, mais ouais, rien d'excitant, ce truc. Ouais, ça sert pas à grand chose. Je peux pas, faire. Mais le mec, je sais pas, ouais, ça me fait bander bien dur, bien veineux, tu vois. Veineux. Bah, on décroît de le savoir, ça, tu vois. Bien veineux. Axel du 73. Genre, comme une carte sur un GPS. Un gars, lui, il aime pas, oh, tu non. vois. Je pense que je ferai jamais la bifle. Non, mais après, c'est pas à tous les coups, hein, tu vois, c'est de temps en temps, quoi. T'es à Camille. Ouais, c'est un peu sauvage, mais bon. Non, mais dis, tu sais, genre, elle te suce, voilà, elle te retire, tu mets deux, trois petites calottes de bifle. Ouais, mais quand elle me suce, je demande plus aussi. Oui, mais toi, faut y aller mollo. Oui, hein, oui, mais toi, calme. Mais toi, t'es parti, toi. Ouais. Calme-toi. Il y a Camille, elle aime la bien. La vie, elle, c'est pas un film de cul, quoi. Camille, ça, jamais être soumise. On va voir ce que vous répondez, les filles. Là. Vous votez, on vous donnera les résultats dans un instant. Donc bouge pas, reste avec nous, Yanis.

Tous les soirs. 10 full radio libre, 21h minuit sur Skyrock. Et oui, même le vendredi avec une émission spéciale ce vendredi. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de spécial. Yes. Ouais, spécial avec des collectors et des moments d'émission choisis par les membres de l'équipe. Tout à l'heure, pour toi Romano, on aura le Belge bloqué dans l'ascenseur. Ah ouais. Pensez à toi Cédric. J'ai pensé à lui. Mauvaise nouvelle, il en est sorti. On aura avant minuit aussi les pervers de Pamela, choisis spécialement par Samy. Ouais, sélection, vous verrez. Il a choisi les pervers. Bien, Pamela. Et d'ailleurs, on va retrouver les annonces des pervers de Pamela dans un instant. Regarde-moi pas chaud. On aura de la bifle aussi. Le double appel, je vous l'ai choisi. Et Romano, on part à la recherche de tes ex ce soir. Ouais. Je suis content. Allez, dans un quart d'heure. Je suis heureux. 10 minutes, un quart d'heure, on appelle tes ex. On peut même pas le faire avant. Non. Et Marie, elle a choisi un bon moment de l'émission. Ouais. Et Momo, pensez à Momo. Momo, quand il matait un match de basket, c'est vrai, qu'est-ce qu'on s'était marré. Genre là, on avait mis un micro espion. On parlait de caméra espionne il y a un instant. Ouais. On avait mis un micro espion dans la, dans une des pièces où dans il regardait bureau, des bureaux et regardait le match. Donc, tout à l'heure, Momo avant minuit sur Skyrock. Bon, qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Ah oui, on va retrouver les filles, parce qu'on a plein de filles qui viennent. Salut les filles. Avant les pervers. Salut les filles. Jessica et Laura pour la suite. Alors Jessica, 24 ans, parisienne. Salut à toi Jessica. Salut Jessica. Et Laura, 19 ans dans le 27. Salut Laura. Salut les filles. Coucou. D'après vous, elles appellent pourquoi? La bifle. Oui. Ah bah ouais, évidemment. Bravo. La bifle. Et donc pour le témoignage de la bifle et puis votre sondage express. Pour Yanis, ouais. On a Yanis au téléphone. Yanis, t'as vu, les filles se sont jetées sur leur téléphone pour toi. T'es content? Ouais, trop. Alors juste avant que vous nous disiez si vous aimez ou si vous aimez pas les filles, moi je vous dis tout de suite, hein, une qui aime et une qui aime pas. Ouais, bah oui. Donc on fait la parité sur Skyrock. Donc juste avant de nous dire, qu'est-ce que vous pensez de l'histoire d'Yanis, sachant que sa copine était vierge juste avant de faire l'amour avec lui et il veut passer à la bif. Qu'est-ce que t'en penses, je sais pas moi, Laura, tiens. Oui, Laura, tu as fait... C'était bizarre. Tu as fait comme Cédric, tu as fait un prout. Ça fait un bruit assez dégueulasse. On t'a entendu, Laura, là. Alors, Laura, moi, je trouve ça un peu rapido, quoi. Un peu rapide. Oui, bah, on est d'accord. Peu, mais énormément, ouais. Ah oui. Parce que ça fait 6 mois qu'ils sont ensemble et il veut déjà. Oui. Puis à la deuxième relation sexuelle, c'est peut-être. Voilà. Et puis elle était vierge, donc. Ouais. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, Jessica? Non, mais c'est clair que là, ça va être un petit peu trop tôt pour la biffer. Un peu trop tôt pour la biffe, tu trouves aussi. Même beaucoup, hein. Marie trouve beaucoup trop tôt. Ah bah ouais. Attendre un peu. Ouais, faudrait attendre un peu. C'est un peu cash. Si c'est son délire, quoi. Parce que si c'est pas son délire. Oui, voilà, ça, quoi. C'est vrai. Ça, après, c'est difficile de demander à ta copine, est-ce que tu veux que je te biffe? En général, ça se fait dans la relation, puis tu vois si elle aime ou si elle aime pas. Ouais, voilà. Ouais, puis tu le fais quand tu fais l'amour un peu sauvagement, quoi. Sauvagement, Marie. Non, mais c'est vrai. Quand c'est un peu plus tac-tac. Tac-tac. Tac-tac, boum-boum. Va me faire tac-tac. Tac-tac, boum-boum. Bim-bam-bim. C'est ça. Bon, donc tu vois, Yanis, faut quand même attendre un petit peu. Après, on va voir ce que vont nous dire Laura et Jessica. Mais bon. Tu vois, tu risques de la choquer, ta copine. Il y en a plein qui ont dit ça depuis tout à l'heure. Non, mais même, elle peut se vexer. Hein. Tu sais, elle peut dire, ouais, attends, je suis pas une pute, quoi. Toi, par exemple, il y a déjà des trucs que t'as voulu faire... La gothique, Romano. On va parler de ta gothique. Bah, déjà, parce que tu nous as dit qu'elle était pas très cul, ta gothique. Ah, putain, elle, c'était... T'es pas cul. C'était une chambre froide, quoi. Une chambre froide, mais c'est normal. Elle aimait la mort. C'était un frigo, la meuf. Non, ouais, elle aimait pas trop. Comment ça s'appelle, les trucs? C'était une morgue. Ouais, c'est ça, ouais. Une chambre froide. Une chambre froide. Quoi, ça, c'est plus pour la bidoche dans les boucheries, mais. Il y a des trucs que t'avais envie de faire avec elle et que t'as jamais fait. Tu nous as dit qu'elle suçait pas, par exemple. Non, elle suçait pas, bon, ça j'ai galéré, mais elle a quand même fini par sucer, quoi. Bon. Elle a craqué. Un truc qu'elle a. Ah, putain, ouais, j'ai galéré, mais c'était un truc. Mais elle te disait quoi? Elle était là, non, c'est ça. Quoi, c'est ça, là, bah oui, c'est ça. Salut, Romano. C'est ça. Parlait comme ça, la gothique. Ouais, sans que ça, t'as jamais. Donc, moi, j'étais là, mais non, toutes les filles le font. Bon, t'y arrives. Et un truc que t'as jamais réussi à faire? À l'enculer? Ouais, mais tu sais, je me souviens même pas si j'ai eu envie d'enculer, elle. Bon. Excusez-nous les filles, hein, on parle de... Non mais, franchement, je me demande, je pense que j'ai jamais eu envie d'enculer. La gothique, jamais. Mais j'ai pas... C'est longtemps avec elle. Bah ouais, mais... Tu sais, c'est... Putain, quand j'y pense, ouais, mais j'ai perdu 3 ans et demi de ma vie à baiser mal, quoi. À baiser mal. Bah ouais, mais t'avais l'amour à côté. Ouais, mais même, quand même. Non, mais des fois, ça me manquait, tu sais, de baiser, quoi. Et donc, ça, jamais. Bah, un truc que tu l'as demandé qu'elle a jamais voulu faire. Ah, sucer, hein, putain, j'ai mis peut-être 2 ans et demi, hein. Oh putain, quand même. Ah ouais, putain, mais c'est bizarre, ça. Ah ouais, bah ça, tu peux le dire, c'est bizarre, ouais. Quoi, c'est surtout chiant sur le moment. Plus que bizarre. Ah ouais, ouais, putain, j'ai galéré, tu sais, on se met, j'éteignais la lumière, j'étais là, allez, fais un bisou, tu sais. Fais un bisou, Kiki. Non, mais c'était à la base de ça, quoi. Et au fur et à mesure. Elle était là, non. Elle était là, tu sais, et puis elle était là, non, je. Non, je peux pas. Je peux pas. J'étais là, mais si, j'étais. Comme ça, juste comme ça. Et au fur et à mesure, mais bon, après le succès, mais pff, mal. C'était ni fait ni à faire, quoi. Bon, on va voir dans c'était un instant. C'était pas une suceuse dans l'âme, vous voyez. Ce que vous allez nous dire sur cette histoire de bif, Jessica, parce que c'est assez partagé. Je vous donnerai les résultats du sondage express. On vous a demandé, les filles, la bif, vous aimez pas. Il y en a qui nous disent que ça fait un peu trop dominateur. Enfin, ça fait un peu trop pervers aussi, on nous disait. Ouais. Bon, on va voir ce qu'elles en pensent. Je vous ai dit. Non, mais après, ça dépend vachement de la meuf. Il y a des meufs, moi je suis sûr, il y a des meufs, elles se vexent. Je te dis, c'est à base de ouais, je suis pas une pute, tu m'as pris pour qui, tout ça, quoi. Bah, y en a une des deux qui aime pas dans les enfin, deux. Quand t'es dans un couple depuis un moment. Ah, mais il y a des meufs qui sont un peu réservées des fois. C'est pas bon. Fou. Et reste avec nous, Yanis, tu vas découvrir la femme et les femmes, Jessica, Laura, dans un instant. Yo, mais quand yo. Je dis la femme et les femmes, voici la quintessence de la féminité. Oh là. elle vient de faire. C'est Pamela. Bonsoir. Bonsoir, wow. Pamela. Elle est blonde. Ou brune. Son sein gauche fait 85A et le droit 95E. Elle n'a que 3 doigts et travaille dans la mode. Enfin, elle est modéliste, quoi. Pamela. Le moment le plus sensuel de l'émission. Oh là là. Oh là là, c'est chaud. Oh, youyouy. Alors, Samy, tout à l'heure, on retrouvera les coups de fil de Pamela. T'as choisi quoi pour ce soir? Alors, pour ce soir, les j'ai. Les collecteurs de Pamela. Ouais, j'ai choisi des collecteurs du chat quand on a dragué avec Pamela sur le chat. Ah ouais, parce que Pamela, elle est très, très, très, très chat. Elle est sur les applis. En live. Je chat live et après je les appelle ça et, direct. Et ils se tapent des queues. Et ça part direct. Ouais. Bon, bah tout à l'heure, Pamela est de retour avec les pervers, mais d'abord, les annonces de Pamela. Ah oui, quand même. Les messages qu'on t'a laissés toute cette semaine. Alors. Eh bien, écoute, ils sont chauds. Les prétendants. Ils sont chauds, les prétendants. Quoi de neuf? Eh bien, quoi de neuf? J'ai un Paolo, si ça te branche. Vraiment. Un qu'on va, on y va. Je m'appelle Paolo. Paolo. Mon numéro, c'est le 06. 70 53. C'est essayé d'appeler que je réponds pas, c'est car je suis marié. Bon bah je t'ai fait des bisous et j'attends ton appel. Eh ben vous voyez, elle a l'air normale. Ah, je fais des bisous et j'attends ton appel. Par contre, je suis marié. Mais ils sont tous mariés. Ouais, c'est vrai. Au moins, il est honnête. Oui. Ouais, mais c'est Samy, il est honnête. Vous voyez, là, on est tombé sur enfin quelqu'un d'à peu près normal. J'espère qu'ils sont tous comme ça pour toi, Pamela. Il faudrait le rencontrer, mais il est normal. Ah, j'espère qu'il y en a des moins normaux. On va voir. Écoute bien le deuxième. Noël, cherche femme dans 70, près de Gris, aux alentours. Pour lui lécher les pieds, lui faire l'amour, la baiser comme une chaudasse. Ah, la chaudasse. Appelle-moi 06. La baiser comme une chaudasse, ouais. Alors lui, déjà, il est moins normal. J'avais compris, chaudasse. Ouais. Non, la chaudasse. Même au début, il était limite un peu soft. Je suis de Gris. Oui, je voudrais lécher les pieds, un baiser comme une chaudasse. Noël, cherche femme dans 70, près de Gris, aux alentours. Il est à Gris. Pour lui lécher les pieds, lui faire l'amour, la baiser comme une chaudasse. Il se lâche un peu. Je sais pas, heureusement qu'il s'arrête là parce que. Ouais, parce qu'après. Oui, lui défoncer le cul. Ouais, la marade, cette grosse salope. Ah ouais, donc ils sont pas tous calmes non, cette semaine. Non, il est déjà un peu plus énervé lui. Ouais. Bon, j'en ai un troisième. Énorme téton, poitrine hormonée à traire par des experts. Énorme téton, poitrine hormonée à traire par des experts. Bah lui, il est beaucoup moins normal aussi. Ah bon, c'est le pire en pire. Plus on les écoute, plus ils sont dégénérés. C'est ça. Gros lui, il est pas mal. Énorme téton. Énorme téton. Oui. Énorme téton, poitrine hormonée à traire. Poitrine hormonée à traire. Ouais, parce que tu sais, d'être bodybuildé avec des hormones de croissance. Et c'est lui ou alors lui, il veut traire une meuf. Ah, moi j'ai l'impression que c'est lui. Ah non, c'est lui qui est comme ça pour ouais. moi. Ah ouais. Après, ouais, je sais aussi. Pas, je ne connais pas Romano personnellement. Non, mais il veut faire traire en fait. C'est dommage. Il est gelé. Bon, allez, on en a un autre. Allez, on en a un autre. Oui, bonjour, je m'appelle Bruno, j'ai relevé votre numéro de téléphone sur une annonce vous concernant. Je suis un homme de 50 ans, tout juste. Je suis un homme bien fait, bien proportionné. Quelqu'un de discret, charmant. Charmant, c'est très bien. Je réponds 06 50 72. Soit il se masturbe, soit il est stressé. Bientôt, ouais. Il y a deux solutions, c'est vrai. Soit il se branle, soit il est stressé. Ouais. Bah, on a l'impression qu'il a un entretien. Je pense que discret, c'est genre il a une femme, quoi. Ouais, bah oui, ça veut dire ouais. ça. De toute façon, oui, vaut mieux être discret. Bon. Pour ma bonne femme qui est derrière la porte, je t'appelle vite. On sait jamais. Hein. Bon, un autre dernier, allez. C'est peut-être vous. Ah non. Il est de retour. Attention. Lâchez-nous. Toutes les semaines, il nous est là. Toutes les semaines, il est là. C'est peut-être vous. C'est peut-être vous, celle que j'imagine en me masturbant. 01 83 89 C'est pas possible. T'as, mais le mec, il est en galère d'annonce, d'appel, lui. Oui, lui, toutes les semaines, il nous laisse un petit message. Il tarcelle, Pamela, faut vraiment que t'ailles le rencontrer parce que faudra qu'il arrête de, tu vois, d'appeler, lui. Oui, bon, allez, on va... fait un peu peur au moment. Allez, à tout dernier, vite. Oui, bonjour. Voilà, je cherche une femme entre 50 et 60 ans pour faire un bout de chemin. T'en plais ta mère, Pamela. Oui. C'est grande et belle. Grande, grande et belle. Bah, 50, 60 ans, t'es grande. Je suis 06-66. Très bien. À grande et belle. Un enfant, un grande et belle. Oui, il avait grande et belle. Une très jolie. Une petite princesse. Voilà, une princesse grande et belle. Voilà, c'est bien. Voilà. Et bien, tout à l'heure, on retrouvera les coups de fil de Pamela, le meilleur moment. Ah, bah, ça donne envie, tout ça. Comme dire, c'est pas mal, ça non plus. Hein. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est peut-être vous. C'est... Non, on en a c'est marre. Plus très bientôt. C'est peut-être vous. Bon, alors, on y retourne. Non, c'est pas moi. On y retourne pour la suite. Attention, opération biflage. Ah ouais. Eh ouais, le biflage. Ah, j'adore. Alors, on a Jessica et Laura. Présenté il y a un instant. Absolument. Il y en a une qui aime et une qui aime pas. Ouais. C'est pour Yanis qui nous a appelé, qui est très très excité par la bifle. La bifle, il aimerait bifler sa meuf, ouais. Alors, c'est laquelle qui aime et laquelle qui aime pas, là? Moi, c'est Laura. C'est Laura, parce qu'on sait qu'il y en a une des deux qui aime, une qui aime pas. Et c'est qui aime? Jessica. C'est Jessica. Bon, on va garder le meilleur pour la fin, autrement dit. Ça comme une autrement coquine, dit, toi, Jessica. Et donc, toi, Laura, il s'est passé quoi? C'est un mec qui te l'a proposé? Comment ça s'est passé? Non, pas du tout, mais enfin, je trouve ça très gore, quoi. Jamais un mec t'a proposé de le faire ou même t'as rien proposé du tout et il te l'a fait comme ça? Non, non, rien du tout. Et qu'est-ce que tu trouves de gore là-dedans? Bah, je sais pas, c'est... Enfin, surtout, lui, il vient de commencer sa vie sexuelle, donc je vois pas... Ouais, non, mais ça, c'est clair, pour Yanis, c'est vrai que c'est... Ah, mais ouais, de toute façon, voilà, c'est même pas la peine d'y compter, hein. Après, s'il veut rester avec sa copine, c'est mieux qu'il le fasse pas, quoi. Oui, ou alors qu'il se rende compte qu'elle aime bien, mais bon, faut pas patienter un petit peu. Admettons, toi, un mec... Ouais, il te demande pas... Il te le fait, quoi. Tu réagis comment? Tu lui dis quoi? Qu'est-ce que tu lui dis? Et tu lui fais quoi? Bah, moi, je lui réponds non, enfin... Ouais, mais c'est comment ça le faire? Tu vas pas te répondre, mais tu vas pas répondre à la quéquette. Comment? Non, il te demande rien, il te le fait comme ça. Ouais, genre, je sais pas, t'es en train de le sucer, il retire la bite, il te met un coup de bite sur le visage. Pam, pam. Ah bah je lui dis tu arrêtes quoi. Ah direct tu lui dis tu arrêtes. Tu lui dis, ah bah oui. D'accord, oui, bah c'est ce qu'il faut faire les filles, hein, si vous aimez pas. Si t'aimes pas, oui, tu lui dis non puis basta. Hein. Ouais, les résultats du sondage express, les filles, vous aimez ou vous aimez pas? Ah ouais. Oula. Vous allez voir les résultats. Alors quoi, c'est surprenant? Ouais, je vous dirai ça dans un instant. Et toi Jessica, tu t'aimes bien toi Jessica? Ouais, moi c'est vrai qu'au lit je suis vachement soumise, donc tout ce qui est bifle, facial et tout. Ah ça t'aimes bien, voilà. Ça. Non mais c'est ce que disait, il y a plusieurs filles qui nous laissaient des messages, celles qui aiment en tout cas, c'était le côté soumission qu'elles aimaient bien. Voilà, absolument, c'est ça, ouais. Donc pam, pam, pam, pam, pam, pam. Mais en fait, dans la vie de tous les jours, j'ai un caractère de merde, un caractère très fort et... Et pendant l'amour, t'aimes bien te faire mater un peu, quoi. Ouais, voilà, après mon calme, comme ça, quoi. Tu te fais calmer à coup de quéquette. Non, mais bon, y a pas de honte, hein. C'est bon, ça, ouais. Mais t'es avec le même mec, enfin, c'est toujours le même mec qui te fait ça. Ouais, je le fais pas avec tout le monde. C'était qu'avec mon ex, on est resté un long moment ensemble et il y a qu'avec lui qu'on faisait des délires, soumissions, BDSM, des trucs comme ça. Par contre, BDSM, ça veut dire que tu t'attachais, tout ça? Ah ouais, moi, c'est hardcore, hein. Ah ouais, quand même, Jessica. Et comment tu lui as fait comprendre que c'était ton délire, par exemple? Mais je ne l'ai pas fait comprendre, en fait. C'est venu tout seul. Il était exactement dans le même délire que moi. Et... Lui, il aimait bien dominer, lui. Ouais, voilà, absolument. Et il t'a fait ça au bout de combien de temps? Un an et demi, je pense. Ouais, ah ouais, elle a quand même attendu. Ah ouais, non, ouais, par contre, Yanis, ouais, c'est trop tôt, hein, c'est pas ça. Ah bah, clairement, l'autre, elle va partir en courant. Non, mais elle va flipper. C'est à quoi elle a traumatisé, parce qu'elle a eu un blocage. Ah non, mais attends, évident. Mais c'est sûr, ouais, c'est... Ah non, non, mais ouais, ouais, c'est fais pas. C'est quand même une pratique assez intime et tout, donc si on connaît pas bien la personne... Non, mais surtout, ouais, le début de sa vie sexuelle, quoi. Donc, Ouais. Laisse-lui un peu de sang, Yanis. Un début sur les chapeaux de roue, quoi. Oui. Ouais, non, c'est clair. Ouais, parce qu'à ce rythme-là, la semaine d'après, tu lui proposes la sodomie, mais tu vas la traumatiser, là. Non, non, je vais pas plus avec la biche. Il faut pas qu'il s'arrête sur les films, hein, parce que les films. Ouais, ça c'est vrai que les gars. C'est clair. C'est faut pas. Je crois que t'as pas regardé la catégorie pipi pour elle, parce que. Ah non, c'est vrai, parce que. Pipi ou popo. Ouais, non, mais c'est clair. D'ailleurs, y a pas de catégorie popo dans les. Non, sur YouPorn, y a pas, non. T'es déçu? Mais y a pas pipi non plus, d'ailleurs. Y a pas pipi non plus. Mais non, ça faut aller sur des sites plus intimes. Ouais, donc, ton site ou quoi? La soumission, mais jusqu'à un certain niveau, hein, quand même, pour toi, Jessica. Ah ouais, ouais, non, ouais, faut pas abuser non plus, quand même. Il y a Marocain du 59, 23 ans, qui veut le numéro de Jessica. priori, tu l'as beaucoup Saga 38 plus. Aussi. Ah, Saga 38. Non, je te donne son numéro carrément. J'en ai défilé. Oui, lui, il te donne son numéro. Il est très généreux. Salut, Saga 38. Qu'est-ce que c'est que ce bruit désagréable que j'entends derrière nous? Il y a un c'est animal. C'est Cédric. C'est moi, je suis malade encore. Ah, je croyais qu'on avait fait rentrer un cheval dans le. Non, je tousse. Bah, fais-toi soigner. Bah, ouais. Bah, écoute, je prends des médicaments, ouais. Bah, prends-en des plus. Bah, ça va, je peux en prendre plus. Bah, prends des médicaments, allez. Bah, je les prends, ouais. Vas-y, prends-les. Bah, là, je les ai pas sur moi. Bah, voilà, c'est ça, voilà. C'est comme ça qu'on se soigne. Bah, je vais pas me balader avec médicaments 24-24. Bah, si. T'es pénible, ça énerve tout le monde. Romano, ça t'a un nerf. Je peux plus, je vais te taper. J'ai nerf, là. Bon, et donc, ouais, Jessica, donc c'était plutôt dans le délire et plutôt avec un mec que tu connais depuis un petit moment, avec lequel t'as le même délire. Ouais, et puis déjà, ouais, toi, c'était vraiment ton délire à la base, quoi. Ouais, exactement. Mais après, c'est délicat, quoi. Je peux pas dire ça à tout le monde non plus, quoi. Ouais. Ah, mais je pense que ce genre de truc, ça se demande pas, hein. T'essayes, et puis tu vois. Ah, c'est ça, ouais. Tu le fais dans la relation. Ouais, c'est déjà mal demander à un gars, gifle-moi, hein. Ah, oui, vas-y, mets-moi des bons coups de kiki dans le visage. Tiens, Caco 59, je suis pareil que l'auditrice. Dans la vie, j'ai un fort caractère, et au lit, j'aime être soumise. Tu vois, elle a 25 ans, elle aussi. Mais c'est souvent ça, on voit. Nous, on est à côté de la rue Saint-Denis, tu vois souvent des mecs, en fait, en costard. Tu sais, qui sortent des sections. Qui sont soumises. Non, bah ouais, mais je pense un petit peu, ouais. D'accord. Non, mais c'est vrai que souvent, les gens, moi, on m'a toujours dit, les mecs en costard. Ouais, non, mais les mecs, les gens, tu sais, qui ont de l'autorité, par exemple. Ouais, c'est ça, ouais. Les patrons, les chefs de service, des trucs comme ça, ils ont besoin de, vu qu'en général, ils gèrent des gens, ils ont besoin de se prendre des branlées. Vas-y, ouais, branle-moi à la gueule. Non, mais ils ont besoin de se faire battre sexuellement. Il y a Romain du 13 qui résume ce que tu nous as dit, Jessica. Bah, à sa manière à lui, il nous dit, les filles à gros caractère sont souvent des grosses salopes. Ouais, si on veut. Ouais. J'avais précisé, il résume à sa manière. Ouais. On va dire qu'il le fait à sa manière. Bon, j'ai demandé tout à l'heure justement de voter à vous toutes qui nous écoutiez quand j'ai lancé le sondage express, de voter. Vous aimez les bifles ou pas? Ouais. D'après vous, c'est quoi les résultats? Moi, je dirais non et genre un gros score, 70-80%. Ouais, ouais. Même 90-10. Qu'est-ce que t'en penses, Laura, toi? Bah, je sais pas trop. Bah, je vais te dire. Et toi, Jessica, t'en penses quoi? Enfin, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de filles qui apprécient. Tu penses qu'il n'y a pas beaucoup de filles qui apprécient? Ouais, 20%, peut-être. Non, parce que c'est irrespectueux quand même pour la femme de. Bah, pas pour Jessica, Jessica, bah, après, c'est un délire. Après, ça dépend avec qui. Si ça fait longtemps que t'es avec ton copain. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, ah, oui, c'est bon. Clair. Mais pour dans le cas du garçon. Non, mais ça, on est d'accord, ouais. Pour Thomas, il faut qu'il attende. Ouais, voilà. Faut calmer tes pulsions, mec. Oh, y a Braza qui vient d'envoyer une photo avec des muscles de partout, lui aussi. Putain, je veux ton numéro, Jessica. Il s'appelle Braza. Braza, ouais. Du 92. Uh-huh. Pourquoi tu connais un Braza? Non mais en fait, vu que je suis métissée. Métissé lui aussi. Ah oui, c'est en Bon, les résultats donnent 82% des auditrices qui ont voté qui aiment pas. Ouais, c'est ça, 20%. Quoi. Et 18%. Qui aime. 18 contre 82. Personne s'est trompé. Ça m'étonne pas. Bah, si vous en avez une qui aime bien, gardez-la. Voilà, ouais. Exactement. Et par contre, c'est les gars, vous aimez bien, ouais. Ça dépend lesquels. Hein. Ouais, je vois Louis là, qui vient d'envoyer un message. Par respect pour ma femme, je la biflerai jamais, même si elle demande. Je trouve ça dégradant pour elle. T'as déjà biflé? Ah, ouais, non, ça m'est déjà arrivé, ouais. Pourquoi tu veux que je te bifle là tout de suite? Ouais, ouais, bah j'en rêvais d'ailleurs. Ce soir, j'espère qu'on va parler de bifle. Bon, on va attendre la fin de l'émission puis on va rentrer ensemble. Bah si tu veux. Je vais m'occuper de toi ce soir, tiens. Mais tu le ferais sur Romano? Non, non. Bah attends, tu viens de le dire. Bah non. Bah franchement, non. En plus, ouais, avec sa barbe, ça peut faire mal. Hein. Ça grimperait même avec sans barbe, Max. Romano, n'enlève jamais ta barbe. Rien veut que je t'rase, en fait. Je compte pas te faire bifler par le belge. Oui, t'as pas prévu au programme. Parole. La barbe, tu la gardes à vie maintenant. Ouais, je vais me la laisser pousser. Bon, ben merci en tout cas pour les témoignages. Merci les filles. Oh putain, il y a tous les métis qui arrivent là, ça y est. Ah, tu veux des métis? On a du métis sur Skyrock. Eric, je suis métis, je peux lui donner mon numéro. Bifle en arabe, ça veut dire tub, nous dit Younes, c'est vrai? Non, une bite, c'est un zob. Un bifle, un zob. Non, mais ouais, mais en arabe, une bite, c'est un zob. C'est un zob. Zobi. Zobi. Bonjour à tous les métis qui nous qui se manifestent en masse là. Merci les amis et amitismés là. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Non, parce que je dis Psartek et Marie elle dit c'est le mec, j'ai dit le mec. Mais tout bas, je sais pas. La politesse, Marie. Je sais pas, je te dis des trucs comme ça, moi. Bon, on va vous envoyer le t-shirt Skyrock, Jessica et Laura. Waouh. OK. Bisous les Jessica, bisous Laura. Bisous. Salut les filles, ciao. Salut. Ciao. Et puis salut Yanis, alors t'as bien compris les conseils, hein? Ouais. Désolé de t'avoir un petit peu refroidi ce soir, mais je pense que c'est bien pour ton couple. Eh non, moi je passe une dédicace ou pas? Vas-y, vas-y Yanis, ouais. Alors je fais une dédicace à Naïm, Corata, Sofiane, tout le collège juré des Garines à Montignac-Goël. Et pour certaines personnes qui veulent que je les dédicace, eh ben venez dans mon lit, je vous mets une biflette. Voilà, donc voilà, si vous voulez vos dédicaces, une petite bif. Il fera pas sa copine, par contre, il le fait aux autres qui veulent une dédicace sur Skyrock. C'est sympa. Eh ben voilà, nickel. Salut Yanis, ciao. Ciao. Ouais, bon, attention, maintenant on va passer à des meilleurs moments. Si Romano, de l'émotion. De l'émotion. Ah oui. Souris. Voici donc les ex de Romano qui sont de retour après la gothique hier soir. Ouais. C'est au tour. Alors j'en ai plusieurs pour toi. J'ai notamment la belle, la divine, la gracieuse, l'excitante Pokipu. Pokipu, wow. On a retrouvé le numéro de Pokipu. Pour les nouveaux auditeurs, les nouvelles auditrices de Skyrock, Pokipu est toujours restée dans la tête chauve de Romano. Elle a toujours une petite place dans son cœur également. Non mais elle aimait trop la bite. Elle aimait la bite. Ah, c'est pour ça que tu l'as pas oublié. Ah ça, elle aimait la bite. Mais elle avait la peau qui puait. Ah ça ouais. Mais puis elle aimait la bite des autres aussi. Elle, elle avait tellement la bite qu'elle aimait toutes les bites. C'était gênant quoi. Si vous avez une bite, les gars, bah, elle aurait plus la peau qui pue. Ah ouais, c'est clair. Bah putain, elle a dû. Depuis le nombre d'années, elle a dû remanger de la bite. Oh non. Si elle est restée sur le même rythme qu'à l'époque. Des kilomètres et des kilomètres. Ah non, mais c'est clair. Elle a fait deux fois la distance Terre-Saturne. Ah bah moi, je pense que plus que Marie, hein. Plus que... Oh bah d'accord, je suis une référence. Ça veut dire que tu sois une référence dans la bite. Ouais, c'est sympa, merci. Écoute bien, Romano. Oh, le téléphone de Pokipu est en train de sonner, dis donc. Ouais. Allô? Allô, Pokipu? Pauvre con, va. Ça va, je suis ton ex, parle-moi meilleur. Oh ça, mais c'est bizarre, ça s'est mal fini votre histoire. Bah non, bah pourquoi, bah, c'est elle qui m'a largué quand même. Ah bah ouais, ça s'est pas très bien fini en fait. T'as qui, Cédric? Là, je t'ai retrouvé une tête de tortue, gros. Tête de tortue, appelons tête de tortue tout de suite. Allez, vas-y. Oui, on fait la liste des ex de Romano, mais je vois également qu'il y a une madame tête de panda aussi. Ouais. Donc là, c'est tête de tortue, hein. Ouais. Putain, mais tu sortais avec un zoo, c'est pas possible. Ah ouais, mais c'est un truc de ouf. Ma vie au zoo. Allô? Allô, tête de tortue? Oui. Comment vas-tu? Tu m'as reconnu? Non. Ben si, c'est moi. Tu te souviens pas, on est sortis ensemble il y a quelques années. Ah bon? Eh ben oui. Eh oui. Ah, tête de tortue, ça me fait plaisir de t'avoir retrouvé. C'est tellement romantique. Tu t'es fait raboter les tétons depuis ou pas? Ça vous amuse? Mais non, parce qu'à l'époque, t'avais les tétons très longs. Ah bon? Ouais, tu les as fait... Vous devez confondre alors. Tu les as fait raccourcir alors. Alors vous devez confondre. T'es marié, ça y est? T'as des enfants, tout ça? Allô? Oui, je vous écoute. Ouais, t'es marié? Ça vous regarde pas? Non, mais si, je voudrais savoir, vu qu'on est sortis ensemble, je prenais des nouvelles, quoi. Bah non, ça vous regarde pas. Je voulais savoir si t'étais marié, parce que je me disais qu'à l'époque, ça serait peut-être pas facile pour toi. Tu te souviens qu'on se caressait au bord de la rivière, c'était l'évacuation des égouts? Ouais, t'as un problème, toi? C'est monsieur t'as une tortue. Allô? Ouais, t'as un problème. Non, mais écoute, moi, je suis sorti avec ta femme il y a quelques années, faut pas être jaloux comme ça, hein. Ouais. Ah mais parce que j'ai l'impression que t'es... jalousie, de toute façon, on s'en fout. On est un couple très libre, très libre. Ah bah tant mieux. Mais par contre, ce qui serait bien, c'est quand même que tu te présentes. Bah je m'appelle Romano. Oui, Romano, ouais. Ouais. Et t'habites dans quel secteur là? Bah là, maintenant, je suis sur Paris, mais avant, j'étais pas là, quoi. Ouais. Ouais. Et avant, t'étais où? Bah avant, j'étais en Bourgogne. Ouais. Et tu nous as rencontré où alors? Ta femme, moi je l'ai rencontré où je t'avais en à ville, à côté d'une bouche d'égout, en ville. Et après, ouais. Bon, elle avait complètement. Et là, tu sais que honnêtement là, ouais. T'en as pas marre d'être con là? Non, mais bon, écoute, je reprenais contact avec une ex. J'ai l'impression que tu le vis mal. T'as pas l'air sûr de toi, mec. Ouais. Parce que moi, à l'époque, moi, je te considère comme une serpillière, tu vois. Voilà. Et puis, en fait, on va conclure tout de suite là. En parlant de merde, je pense que tu es la première merde, tu vois. Oui. Alors, est-ce que je pourrais venir la voir éventuellement? Parce que là, du coup, j'étais pas loin de chez vous ce soir. Ouais. Bah viens, tu vas voir, tu vas être bien reçu. Parce que j'aimerais savoir si elle a toujours les tétons longs. Ouais. Bah écoute, viens vérifier, puis tu vas être bien reçu. Bah, c'est une invitation. Bon. On t'attend. À tout de suite. Bah, écoute, je viens. Merci, tête de tortue homme. Bravo. Ah, bah, attends, bravo. Bravo, bravo. Ah ouais, bravo. Ah, je pense, elle a un peu vénère, l'histoire des tétons longs. Ouais, alors, t'es tout ému? Ah, bah, je suis même tout mouillé. Il est tout mouillé. J'ai mouillé mon slip. On verra si on en recherche d'autres, hein, d'ici, la semaine. Non, mais ça va peut-être aller, là. Ah, c'est bien, déjà. La liste est longue. On les retrouve, hein. Je vous avais dit que je menais une enquête. Ça fait longtemps que je vous le promets, en plus. Et j'ai tenu ma promesse, je suis content. Il se prend pour Derek. Ouais, c'est ça. Non, c'est cool, attends. Je suis un vrai ami. Hier, la gothique. Il y a eu plein de messages que vous voulez. Tu es grissom. C'est ça. Bon, alors là, j'ai un petit mail à vous lire à propos de petits frères et de petites sœurs, mais des vraies petites saloperies. Ah. Ouais, des vrais de vrais, là. C'est l'inconnu qui nous a écrit. Et puis le double appel, ah oui, je vous ai choisi un double appel, un de mes préférés qu'on va se mettre d'ici un quart d'heure, un collector, tiens. Ah. Et c'est pas Karim qui l'avait choisi? Non, Karim, lui, a choisi. T'as choisi quoi, Karim? Le multi-appel, moi. Ah, le multi-appel. Ah, ok. Ah non, c'est le clash que j'ai choisi, moi, pardon, excuse-moi. Ah oui, c'est ça. Ah ouais, je me suis dit, depuis tout à l'heure, le pauvre Karim. T'as raison. Et donc, le multi-appel, le double appel amélioré, c'est Karim qui l'a choisi. Oui, parce que ce soir, si vous venez d'arriver. Chacun a choisi des trucs. Romano, toi, t'as choisi Cédric bloqué dans l'ascenseur. Ouais, attention, ça va arriver. On se le met dans une demi-heure. Bon, le clash, Cédric dans l'ascenseur, et puis aussi l'inconnu qui nous a écrit. Alors, il nous dit, j'ai l'impression d'avoir Satan, le diable, chez moi. Et c'est mon petit frère qui a 10 ans. Ouais, ouais. Ça va bien, toi, tiens. Si, c'est une vraie teigne. Il est même méchant. L'autre jour, il a essayé de crever les yeux à un de ses camarades de classe. Ah ouais, effectivement, ouais. T'imagines, le gosse de 10 ans, il crève les yeux à son camarade. Je te crève les yeux. Et à la maison, il fait tout pour me mettre mal avec mes parents. Qu'est-ce que je peux faire? Et est-ce que les auditeurs peuvent m'aider? Donc voilà ce qu'il nous a envoyé. T'as bien eu raison de nous envoyer ça. On va te cligner, toi. Toi, t'as tes petits neveux, ces petites saloperies. Ouais, surtout le grand. Bon, il a tendance à pas se calmer. Il grandit, donc il devient moins. Il fait du mal à son petit frère, à sa petite sœur. Sa petite sœur, jamais. Si, quand elle venait de naître, il la serrait très fort. Pour l'écraser. Pour l'étouffer. Ah ouais, lui, c'est lui aussi, c'est. Ah, je te fais le câlin. Ah ouais, c'est un psychopathe, lui. Non, mais il surveillait. Et ouais, son petit frère, ils ont un dent d'écart, mais le petit frère, il s'est pris des mandales. Mais, La victime. Ouais, non, peut-être pas. Moi maintenant, mais à une époque, ouais, il faisait limite de la peine. Parce que, genre, il lui disait toujours t'es un nul. T'es un nul, casse-toi, tu sais pas jouer. Genre l'été sur la plage, il jouait au foot. Et il voulait pas qu'il joue. Ouais, il voulait pas qu'il joue, alors il l'affichait devant les autres. Il disait ouais, t'es un nul. Tu joues comme une fille. Dégage. Bon, vous avez les mêmes à la maison, vous nous faites signe. Hein, si vous avez des petits frères et des petites sœurs qui sont des. Ouais, après, ils se mettaient des tartes. Hein. Ouais, ça arrive. Et bien, vous avez les mêmes, vous nous faites signe. On vous attend. Et on en reparle dans un instant sur Skyrock. Ne bougez pas, le clash de la drague, je l'ai annoncé, il arrive aussi. Ouais. Allez. Tout l'été, Géant Casino t'a fait vibrer au rythme du Brésil en mode barbecue fiesta. Aujourd'hui, Géant Casino félicite Nicolas, Géraldine, Emmanuel et Pauline pour avoir gagné le concours du plus beau barbecue de l'été. Leur récompense, 8 jours de fiesta au Brésil, tout frais payé. Merci Géant Casino. MHD. La sensation afro-trap MHD vous fait découvrir son nouveau single Aquela Enta, extrait de son premier album. L'album de MHD, toujours disponible. Julien Tellouk. C'est un truc de fou. J'adore. Marcus. Tout le monde connaît son côté chafouille. Et tous les experts de la Team Game One vous présentent le talk show le plus fou sur l'actu des jeux vidéo. À mon avis, ça va être du lourd, ça. Team Game One, c'est tous les mercredis en direct sur Game One. Disponible chez tous les opérateurs et en ce moment en clair sur la TV d'Orange. Game One. Breakdown. PNL. PNL, leur nouvel album dans la légende. PNL dans la légende, maintenant disponible dans les bacs. J'ai été chez McDo, je commande un menu McFirst à 4,95€ quand deux agents secrets m'attrapent et me poussent dans une camionnette. Non. Alors là, on arrive dans une base spatiale où des ingénieurs me demandent à moi comment orienter leurs fusées qui vont faire décoller. Chaud. Mais t'es calé ton fusée? Pas des masses. Tout un menu pour 4,95€. Forcément, vous êtes malin. Menu McFirst, c'est un sandwich au bœuf, au poulet ou au poisson, une moyenne frite et une moyenne boisson. Prix maximum conseillé. Sandwich à choisir entre bœuf ranch moutarde, poulet ranch ketchup ou poisson ranch. Pour votre santé, évitez de grignoter. Hier soir, j'ai rencontré Pierre à un atelier cuisine mythique. Ses plats étaient trop bons. En plus, il est vraiment mignon. Pas étonnant que toutes les filles veuillent dévorer Pierre. Mais moi, je préfère Alex. Il est super maladroit, mais c'est justement ça qui me plaît.

Bon, pour la suite, avant le clash, on a qui au téléphone avec nous? Ah oui, c'est par rapport au petit frère, là. Ah oui, le petit frère insupportable. Qui crève les yeux et oui, tout. Ah ouais. C'est Satan. Alors, on a Brice de Valenciennes, je crois qu'il nous appelle pour ça. Salut à toi, Brice. Salut. Salut, ça va? Ça va bien, Brice. Bienvenue sur Sky. Ça va et vous? Ça fait plaisir de vous voir. Eh ben, écoute, ça fait plaisir aussi. Tu as une teigne à la maison, toi aussi, Brice? Bah ouais, c'est mon neveu. Bon, je l'ai pas tous les jours, heureusement. Oui, parce que bon, quand c'est un petit frère, c'est vrai que le petit frère, tu te le tapes, je vais pas dire H24, mais au moins un certain nombre d'années, pendant un certain nombre d'heures de la journée, puisqu'il vit, il vit avec toi. Le petit, le neveu, au moins, tu peux t'en. Et en plus de ça, t'as les parents qui sont de leur côté, quoi. Donc, tu vois. Ouais, c'est vrai, parce qu'ils sont petits, donc forcément, il est petit, mais il est gentil, et tout ça. Il est gentil. Ah bah le pauvre! Il est gentil, il crève les yeux de ses, il crève les yeux de ses potes. Le pauvre, il sait qu'il est, il sait qu'on va lui dire ça, en plus. Bah alors, il te fait, c'est malin, ouais. Qu'est-ce qu'il te fait, ton neveu, toi? Ouais, c'est ce qu'il fait, tu vois, donc, ouais, il... Genre dans la voiture, moi je déteste, tu vois, je fais attention à ma voiture, il toque sur mes sièges, tu vois, il tire sur mes sièges, je lui dis tire pas, il tire quand même. Ouais, mais dans ce cas-là, tu le tires une baffe, non partout, tu l'expliques. Tu tires sur mes sièges, je te tire une baffe, bam. Je lui dis, et des fois je crie un peu plus fort, mais ça l'impressionne un petit peu, mais après c'est reparti, quoi. Ouais. Non, puis dans ces cas-là, ils vont voir les parents hurlant. Maman! Ouais, c'est ça, ouais. Ah, bah c'est ça. Il m'a mis une baffe! Ouais, bah oui, c'est clair. Ouais, il m'a fait mal, ouais, c'est ça. C'est pour ça, c'est tout classique, à l'heure, quand ta mère, elle est venue le rechercher, je suis parti. Hein. Je suis pas resté, je me suis dit, sa mère, elle va me décapiter, donc ça va, sa sœur, elle lui en a parlé, elle lui a dit, oh, ton fils, il a un petit peu exagéré, elle lui dit, elle est engueulée, elle dit, non, engueule pas, c'est bon, c'est déjà fait. Non, mais faut pas vous laisser faire, parce que bon, une fois que vous cédez, après, c'est eux qui ont le dessus à la maison, si en plus les parents les soutiennent. Regarde, par exemple, Wazy, qui nous dit, moi, ma petite sœur, elle me crache dessus. Je peux rien lui dire, car elle a trop de dossiers à dire à ma mère. Ah, bah ouais. Donc c'est la petite sœur, elle est maligne, la petite sœur. Petite sœur. En fait, elle te met à l'amende. C'est ça. Oui, c'est vrai. C'est Cédric, toi, c'est ton frère qui crachait dans ta bouffe, toi aussi. Comment t'as fait pour te faire respecter? Il crachait au visage aussi, non? Mais là, mais il crachait pas dans ma bouffe. Hein. Il crachait au visage. Il crachait dans l'anus. Non, la vraie histoire, c'est ni dans la bouche, ni sur la figure, ni dans l'anus. Il te crachait dans ta bouffe, tu nous avais raconté. Non, c'est pas dans ma bouffe. Bah, si. Non, c'est pas dans ma bouffe à moi. Bah, dans la bouche. Alors. Non, il y avait mon assiette, puis il y avait le rab. En fait, il crachait dans le rab. Oui, pour pas que tu prennes du rab. Voilà. C'est pas dans la bouffe. Mais m'en fous, j'en prenais quand même. Bien joué, Cédric. Moi, je disais pas peur, moi. Non, mais la fois d'après, je crachais avant. Quand je disais qu'il faut faire respecter, c'est ça qu'il faut faire, Cédric. Mange quand même, voilà. Mais ta mère, elle devait péter un câble quand elle vous voyait cracher dans le plat, non? Ouais, grave. Je pense qu'il y a... Non, on le faisait quand elle était pas là, on faisait quand elle allait dans la cuisine chercher un truc. Et après, la pauvre, elle se servait. Ouais, c'est ça, ouais. Quel régal. Tiens, ma petite soeur, elle a déchiré les pages de mes cahiers, mes habits, mes devoirs. En gros, elle me pète les couilles, nous dit Alex, 14 ans. Fais-toi respecter, Alex. Moi, mon petit frère, il fait toujours des colères, il tape sur tout le monde, c'est marrant. Mais pas quand il le fait à moi. Ouais, quand tu le vois sur les autres, bon, à la limite, tu rigoles, tu te dis le petit, mais à la montre tout le monde, c'est marrant. Ouais. Après, bon, quand ça t'arrive à toi, c'est moins drôle. Ah, bah, c'est moins cool, ouais. Mon petit frère est un petit diable. C'est ce que nous disait l'inconnu. Il disait son frère, c'est Satan. Il en est même à insulter mes parents. Il me fait chier tout le temps. Faut les dresser, les gosses. Faut pas les laisser faire ça. C'est pas bien. T'insultes pas ta mère. C'est mon cousin de 6 ans. Chaque fois qu'il vient et que je suis pas là, il allume ma Play 4. Oh, il joue. Bon, ça, à la limite, ouais. Si te la pousille pas, ta Play 4. Ouais, casse pas. Ouais. C'est ça, oui. Si te la casse pas, c'est vrai, hein. Bon, je peux témoigner, mon cousin est possédé. Très bien. Merci à Jack du 30. Bon, des gosses qui font des saloperies. Comment tu gères, toi? Tu le vois le moins souvent possible, j'imagine, Brice. C'est comme ça que tu arrives à te débrouiller, non? Bah, le problème, c'est que quand elle appelle pour le garder, on va pas dire non. Non, malheureusement, je ne suis pas disponible. Ah là, c'est bien dommage. Bah, si, tu peux dire non, Romano, il l'a fait. Avec ses neveux. Je l'aime bien, tu vois, mais le problème, c'est que quand il vient chez moi, il y a de l'autorité. Quand il va chez lui, il n'y a pas d'autorité. Et c'est pas différent, en fait. C'est pas la même autorité. Moi, ah bah ouais, ça. En fait, c'est de la faute des parents, un peu. Ouais, puis quand t'es pas les même parents, beaucoup, tu peux moins gueuler. Ah bah, tu vas pas te permettre de lui foutre une baffe dans la gueule, quoi. C'est ça. Quoique, moi, mon père, il avait tarté un gosse. Ouais, mais ça, au bout d'un moment, il faut pas se retenir. Faut pas le faire chier. Hein. Par plaisir. Il a écrasé un pied, tarté un môme. Quand ça va trop loin, comme ça. Bon, il a écrasé un pied, évidemment. Il y avait un relou qui voulait lui parler de Dieu. C'était des témoins de Jéhovah. Il lui a éclaté. En fait, le mec a fait une erreur fatale. Il a mis le pied pour bloquer la porte. Ça, mon père n'a pas supporté. Et il lui a claqué la porte sur le pied. Voilà. Et le mec beuglait derrière. Non. Mais le témoin de Jéhovah n'était pas un enfant. Hein. Non, pas un enfant. Non, c'est bien. Non, par contre, il avait tarté un gosse au camping. Parce que. Il connaissait pas? Si, bon, quoi, il connaissait les parents, quoi. Et le gosse, à chaque fois, il lui dit, ouais, salut le vieux, ou je sais plus quoi. Et deux, trois fois, il lui a dit, ouais, écoute, va falloir arrêter, sinon ça va. Mais salut, le vieux. Et un jour, bah, il s'est trouvé qu'il était à côté, et bim, il lui a mis une baffe dans sa gueule. C'est parti tout seul. Et mon père, il est allé voir le daron du mec, il lui a dit, ouais, j'ai tarté ton gosse. De merde. J'ai tarté ton gosse de merde qui me traite de vieux. Non, mais il a regretté parce que, bon, tu sais, le mec, il s'entendait bien avec lui, donc il n'y a pas eu trop de problèmes. Mais c'est vrai que, tu sais, tu tartes quelqu'un comme ça, jamais, ouais. Un gosse de quelqu'un, la personne est. Et un cheval sur les principes, ah bah ouais. Dans la merde. Après, t'as peur d'avoir des histoires parce que si on frappe ton enfant. Ah non, mais c'est clair, ouais, oui, tu peux avoir des emmerdes, ouais, c'est clair. Ah ouais, donc on retient l'idée de taper alors. Non, mais ouais, tu, il faut. Tu tapes les tiens, mais pas ceux des autres. Voilà, c'est ça. T'as le droit de martyriser tes gosses, mais pas ceux des autres. Bah ouais, ouais. Il y a Thomas qui est en ligne avec nous aussi en direct de Paris pour. C'est quoi? C'est pour les frères, les petits. C'est la petite sœur, je crois. Salut Thomas. Salut Thomas, du full. C'est moi, tu dis full, toi, Thomas, mais c'est pas grave. Excuse. Ouais, ça va? Thomas bien, comme l'a dit Marie. Ah super, salut Marie. Super, merci salut. Pour cette blague Marie, elle est super. Ouais. Alors Thomas, toi, c'est qui vrai. C'est la petite sœur toi qui fout le bordel à la maison, c'est ça? Ah ouais, mais c'est une tarée. Une petite sœur casse-couille. Ah ouais, mais de ouf. Et elle fait quoi la petite sœur casse-couille? Elle me frappe, elle m'insulte. Ah toi aussi tu te ragales toi. C'est hallucinant comme ils sont violents les gosses. Putain, mais ça rague la partie depuis tout à l'heure. Ouais. Et c'est la chouchoute de tes parents, j'imagine. Ouais, bah ouais, de ouf. Ouais, c'est toujours le même problème quoi. Putain, mais ah moi, ouais. Si j'avais fait le foie avec mon frère, il m'aurait déglingué, mais. Ouais, bah, c'est ce que. Ah, il m'aurait cassé la gueule. C'est exactement ah ce, oui. ce que ouais, nous dit le sergent, là, sur SMS. Bonjour à toi, le sergent. Bienvenue. Ah, moi, il m'aurait cassé le visage en deux. Il dit, moi, je pouvais pas mettre à la main de mon frère parce qu'il était plus grand que moi. Pas ah de ouais, chance. Ouais, ouais. Ah non, mais, de toute façon, après, les gamins, ouais, t'as pas terre à trop, et il faut pas les taper trop fort, hein. Non, ça, on vous le conseille pas, ouais. Ça, ouais, c'est mais sûr. Ça, ne tapez pas trop fort. Non, mais même, merci du conseil. Non, mais même taper tout court, hein. Taper un peu, mais pas trop fort. Ah non, mais même taper un peu, hein, parce que, tu sais qu'à l'école, on leur dit, ouais, si vos parents, ils vous tapent, nous le signaler et ouais. En fait les gosses ils servent de ça quoi. Moi mais je sais moi, que en fait, mes neveux ouais. Deux trois fois les parents ils en pouvaient plus et le gosse il a dit ouais si tu me tapes je vais le dire à l'école tu vas aller en prison. Oh, la ah le gosse a dit ça. Oh, ah ouais parce qu'à l'école on leur dit ouais si on vous tape vous le dites. Ah ouais. Donc maintenant en fait, le petit moi, il est là il fait des menaces. Ouais non mais c'est ça ouais donc tu sais tu te dis ouais vas-y si je le fais ce con il va aller le dire. Ah ouais c'est clair. Il va me foutre dans la merde je vais me retrouver avec les assistantes sociales et la DAS à la maison quoi. Ouais t'es content. Ah ouais. Et une interpellation. Oh en plus hein, allez pour couronner le tout. C'est cool. Oui. Bon, en fait moi c'est le pire c'est que en fait mes parents ils la protègent en fait. Ouais mais c'est ça parce qu'ils sont petits c'est pour ça. Ouais ouais non mais même pas elle est même pas petite hein. Elle a 11 ans. Oui, bah c'est petit ouais, bah, par rapport à toi, c'est toi t'es plus grand, donc forcément, il chuchote ouais, toujours les plus petits. Ouais, vite fait, mais même ça, enfin, je sais pas, ça c'est chiant. Parce que même avec l'âge, Thomas, ah, c'est pas de chance, ça sera toujours ta petite sœur. Ah ouais, jamais elle va te rattraper, ouais. Non, jamais elle te rattrapera, ouais. Moi j'ai failli mourir étouffé parce que mon petit frère m'a vidé du chocolat Poulain en poudre dans la bouche pendant que j'étais en train de dormir. Ah putain, je bah ouais, tu peux t'étouffer. Je me suis mis à tousser, j'ai failli m'étouffer. Eh ben écoute, tu salues ton petit frère. Il y a vraiment des monstres, c'est mon A du 69 qui nous laisse le message. Et toi Thomas, t'as un grand frère, une grande sœur, non? Ah non, bah ah ouais, donc t'as pas pu faire chier l'aîné. Ah, j'aurais kiffé, mais non. Ouais, mais non. Tiens, un autre, Nassimoum, c'est une mode chez les petits frères. Mon petit frère, il m'a mis de la poudre Nestlé dans la bouche pendant que je dormais. Je me suis étouffé, j'ai failli mourir. Allez, deux. Ah deux. Bah voilà, allez hop. Allez, après, Moa du 69, il y a Nassimou des Yvelines du 78 qui nous laisse le message. Bah encore, ça va, c'est du chocolat en poudre, on aurait pu te foutre de la lessive en poudre. Hein. Oui, c'est vrai. Plus dangereux. Bon, t'aurais fait des bulles. Ou de... Ah, c'est dangereux, hein. Ah bah ouais, ouais, bah c'est toxique. Mais moi, tu sais que j'ai. En maternelle et en primaire, j'étais avec un mec en classe, quoi. Et lui, en fait, sa sœur, elle lui avait renversé de la soupe bouillante. Elle sait que ça l'avait sur le corps. Et il était brûlé au troisième degré. Il avait la peau toute abîmée. À cause de la petite sœur? La grande sœur, lui, c'était. Ouais, moi, j'ai mon petit frère qui joue avec des fléchettes sur moi quand je dors. Sympa, dis avec donc. Avec des fléchettes. Oui, faut faire attention. Oui, oh, fais gaffe à tes yeux. Ouais. Et au reste. Non, mais un jour, il faut faire que t'as super mal. Si, par exemple, pour l'histoire du chocolat dans la bouche, là, du chocolat en poudre. Faites comme si vous alliez mourir. Comme ça, il se fait pourrir, le petit frère ou la petite sœur. Et au moins, après, ça passe crème, tranquille. Ouais, ça dépend. Quelquefois, les parents peuvent dire, oh, mais ils s'amusent. Ah, bah oui, mais c'est rien, c'est du vrai, chocolat. Hein. Mais il y en a, hein. Ouais, mais si tu fais le mec qui est en train de s'étouffer, Marie. Ouais, je suis d'accord, mais bon. Bah ouais. Moi aussi, c'est mon neveu qui me fait chier, les protéger par ces putains de parents. Merci pour le message. Salut à Adamo. Dieu, vous n'avez pas les mêmes parents quand on parle. Tu ce message. Ah, qu'est-ce que tu dis, Cédric? Quand il en parle, on dirait qu'ils n'ont pas les mêmes parents. Oui, mais c'est normal, c'est son neveu. C'est son neveu, Cédric. Ah, d'accord, je Donc, c'est pas frère. Les mêmes oui, parents. C'est... Par la force des choses. Ah, d'accord, je crois qu'ils sont. Non, mais ce qui est bien, c'est que tu auras appris encore quelque chose ce soir et ça nous fait plaisir. Ouais, bah oui. Donc, neveu, tu n'as pas le même papa. Ah. Et la même maman. Ah, d'accord, okay. Oui, autrement, ça veut dire que ça craint dans la famille. Non, c'est ouais, ça craint un match. Oh, ouais, c'est dommage. Non, je crois que tu parlais de son frère, c'est pour ça. D'accord, mais on a les neveux, les frères, les petits cousins aussi qui on s'y perd dans ouais, tout ça. Ah bah oui. Avec tous ces gosses là, ouais. Bon, des méthodes pour arriver à les dresser. Thomas, une petite méthode, une petite idée pour l'inconnu qui nous a laissé un message tout à l'heure avec sa sœur de son frère de 10 ans. Bah si, tu la frappes. Non, mais ça, non. Ce n'était pas possible, malheureusement. Mais tu vois, il faut prendre des dossiers. Non, il faut faire des dossiers, ça c'est bien de faire. Non, mais non, tu fais une réunion avec tes parents. Une réunion familiale, pas con. Voilà, ouais. C'est ça. Tu fais une réunion. Non, mais sinon, tu fais des coups de pute, quoi. C'est-à-dire que tu lui fais. La misère. Tu provoques le fait qu'il fasse des conneries. Et tu filmes, et comme ça, il se fait griller. Ça, après, c'est bien. Faut être fin, quoi. Ouais, voilà, ouais. Tu filmes, t'enregistres chaque fois qu'il fait des conneries. Après, il se fait un dossier. Tu lui montres le dossier, tu dis la prochaine fois que tu me fais chier, ou la prochaine fois que tu dis quelque chose à papa, maman. Ouais, tu lui fais du chantage. Genre un objet auquel tes parents tiennent, tu vois, tu te démerdes pour que malheureusement, ils le cassent. Ouais, ils le cassent. Et pas de bol, et après, il se fait casser la gueule. Voilà, mais toi, tu n'y es pour rien. Mais tout part derrière, en fait. Il faut le faire finement. Ah bah ouais. Bon, si tu le fais direct, oui, tu vas te faire allumer. Ça va être pire. Ouais. Bon, on aura peut-être d'autres témoignages tout à l'heure. Merci Thomas, bon courage en tout cas. Hein. Merci en tout cas. Bon courage avec ta petite sœur. Et puis merci à Brice aussi, merci à tous les deux. Puis les autres témoignages arrivent dans un instant. Si vous avez d'autres trucs à nous dire là-dessus, parce que j'ai vu qu'il y avait plein de messages, n'hésitez pas, on s'occupe de gérer les petites pestes qui traînent autour de vous. Ouais. Les petits frères, les petites sœurs, les petits cousins, les petites cousines. Ma cousine elle a 10 ans, mais elle a une maturité de 2 ans. Et sa mère n'a aucune autorité sur elle. Ah ouais, ça promet ça. C'est l'inconnute, 16 ans, qui nous laisse un message. Bonjour l'inconnute, salut à toi. Bon, on y revient dans un instant, bougez pas. On ne bouge plus. Le temps de nous occuper de l'amour, de la drague. Voici le clash de la drague. Oui. Attention. Ils sont prêts à draguer tout ce qui bouge. Et quand on dit tout, c'est absolument tout. C'est le clash de la drague avec les deux meilleurs séducteurs au monde. Ouais, Cédric et Romano. Et j'ai choisi pour vous ce soir, dans cette grande soirée spéciale, un clash collector. Vous allez m'en dire des nouvelles. Écoutez bien. Il a peur. Tu vas entendre parler de moi, c'est clair. Si je le perds. Bah, attends, Romano, j'ai choisi pas comme ça les clashs. J'ai choisi en fonction de vos techniques de drague, des amis, tout ça. Vous avez de la gueule du monde. Donc, c'est parti. Le premier, c'est Nicolas. Et c'est pour Cédric. Voilà. Allez, Nicolas. Ouais, Nico, ça va? Ouais. Ouais, je t'appelle, dis-moi, parce que j'ai besoin de ta femme, là, ce soir. Ouais, bah, y a pas de problème. Bah, parce que j'ai très très mal au dos et j'aimerais bien qu'elle me fasse un petit massage, histoire de me débloquer un peu le dos. Bien sûr. Et une petite caresse de l'anus aussi. Ah bah, si elle veut, y a pas de problème. Bah oui, je sais comme ça. Ou à moins qu'elle pourrait s'occuper de mon avant et toi de mon arrière. De ton avant, c'est-à-dire de ta petite bite? Bah ouais. Bah, y'a pas de problème, mon gars. Elle s'occupe de mon sexe et puis toi tu t'occuperas de mes fesses. On revient tout de suite. Ah bah écoute, je vais venir, ça sera plus simple. Ah bah d'accord, pas de problème. Allez, j'attends. Je sens que là vous avez bien la pêche, là je vais débarquer dans 5 minutes et puis bah. Ça marche. Elle me fera un petit massage et tu t'occuperas de mes fesses après. Ah ouais, je vais m'occuper, je vais t'enculer. Ah. Y'a pas de problème. Avec capote et de la vaseline au moins. Ah bah attends, ouais, à sec ça le fait pas. Ah non, pas à sec, ouais. Génial, okay. Bah écoute, je prépare mes petites fesses et j'arrive. Ouais, ça marche. Allez, à tout de suite. À tout de suite, mon amour. T'aurais pu me dire que t'avais de la vaseline intégrée. Allez, bisous, mon chéri. Cédric, il a l'anus gras et humide. Et voilà, champion du clash. Bravo, Cédric. Coup de fil, serrage. Merci. Voilà des clashs qui démarrent. Comme on l'aime, ça met la pression à Romano. Tu vas être obligé de tout donner. Le plus fort de ton sensualité est attendu. Bah, je vais sensualiser, là. Mal à finir ma phrase. Vas-y, Romano, le plus fort. Je sensualise, là. Tu sensualises à donf. C'est qui? Benoît qu'on appelle. Sensualise. Allez, tu sensualises, Benoît. Ton dernier jour en homme, c'est aujourd'hui, demain, tu deviens femme. Allô? Allô, Benoît? Oui. Oui, bonsoir, comment tu vas? Bonsoir, ça va, c'est qui? Eh ben, c'est Jean-Louis à l'appareil. Jean-Louis? Ouais, un copain de ta femme. Allô? Oui. Ouais, tu m'entends, là? Ouais, je t'entends. Ouais, parce que j'aurais besoin d'un petit service. En fait, je t'explique. Demain, je ne serai plus homme, je deviens femme. Je deviens Jeanne-Louise. Jeanne-Louise. Et j'aimerais quand même bien utiliser ma bite une dernière fois dans le cul de ta femme. Ok. Ah bah donc, je peux passer vite fait à la baraque. Ouais, je lui mets un petit coup. Elle me suce. Je lui fais une petite pénétration vaginale, anale. Et puis après, je me termine avec toi. Ouais. Ouais, ok. Ouais. Bon bah, c'est nickel ça. Merci, bon Benoît. Ouais, salut. Bah, j'arrive dans 5 minutes. Bah, écoute, viens. À tout de suite, viens. Hein? Allez, viens. Ah, j'espère que ça va être chaud entre nous. Je pense que ça va être chaud, ouais. Ouais, allez, concentre-toi, viens. Ah ouais, je me concentre, ouais, je bande là. Ça y est, c'est parti. À tout de suite, Benoît. Bravo, Romano. Et bim. Bravo, les clasheurs. Oh là. Vous avez vu ça un peu, hein? Personne ne peut lutter. Un peu flippé. Ah ouais, Viens tout de suite. Eh ouais, vous avez vu ça un peu au niveau de la drague. Il a une voix de pervers, le mec. Viens tout de suite. On peut pas de test au niveau de la drague. Ah bah là. Un serrage chacun. Un pour Cédric qui se gratte le nez. il a un petit creux. Vas-y Cédric, fais-toi un petit plaisir. Non mais et ça un, je vais gratuler. Et un pour Romano qui qu'est-ce que tu fais sur ton téléphone? Tu es en train de motiver tes troupes. Bah évidemment Il est sur Twitter. Ah ouais, je suis. Ah, c'est quoi ton adresse Twitter? Romano 2, le chiffre 2 Skyrock. Allez, bon c'est parti. Allez, on y va. Follow me baby. Deuxième tour, allez, on fait un deuxième tour. Vas-y. Ça va de mieux en mieux toi. Et vous savez que quand vous êtes comme ça dans le clash, moi je ferais ça jusqu'à minuit. Oh, on peut hein. Et Cédric aussi. Allez. Non-stop. Ah bah vas-y. Voilà. Bon on va chez qui? William. Allô William. Ouais bonjour. Comment ça va ma poule? Ouais chez qui là? Bah c'est un de tes voisins, c'est Michel. Je t'appelais là parce que ce soir j'ai besoin de ta femme. Michel? Ouais. Je suis un de tes voisins. Bah Michel là, j'ai un petit peu mal au dos là. Et ce soir j'aurais bien aimé que ta femme elle vienne me faire un petit massage. Mais que Michel? Bah j'habite au bout de la rue. Que Michel. Oh ouais. Ah ouais, oh ouais. Ah, tu veux pas dire à ta femme qu'elle débarque à la maison là? Ah non, elle rigole. Bah non, je rigole pas, j'ai mal au dos, j'ai envie qu'elle me fasse un petit câlin. Il est pas malade celui-là, il y a plus l'air. Oh, il est pas malade lui. Ah, dis-lui comme la semaine dernière. Malade. Allô? Ouais, que Michel que c'est. Que Michel que c'est. Bah Michel, moi. Tu veux que je vienne à la maison peut-être? Ouais, viens, c'est ouvert. Bah parce que j'entends ta femme derrière qui crie là. Bah je l'envoie chez le porte là. Bah ouvre la porte, oui, j'arrive. Ouais, vas-y, je vais faire le port. Tu me passes ta femme, je vais lui faire un petit bisou. Ouais, bah, j'entends le passer, tiens. Je sens qu'elle est pressée de me voir. J'entends le passer. J'ai que ça qu'à dire. C'est j'ai que ça qu'à dire, oui. Va vous faire soigner. C'est la tata de Ribéry. Allô? Va te faire soigner, espèce d'andouille. Bah, justement, j'ai besoin de me faire soigner le dos. Magnifique recalage. Ouais, mais non, parce que l'autre, il m'attendait quand même. Magnifique recalage de la femme. Ah, mais rien à voir avec le premier quand même. Ouais, bah non, l'autre, c'était directement plus sexuel, tu vois. Mais là, le mec, il m'attendait, il m'a dit, viens, je t'ouvre la porte, je t'attends. Mais t'es un andouille. Viens, je vais te soigner. Ah, il y a une andouille, elle va te coucher en douille. Espèce d'andouille. Sa femme était un peu plus tendue, tu vois. Vieille expression, andouille. Ouais, c'est pas grave, je vais me taper William. Que Michel. Romano, c'est qui? C'est qui? Patrick. Que Patrick. Allô? Allô Patrick? Ouais. Hein, comment ça va-t-il? C'est qui? Hein, c'est Jean-Louis, un copain de ta femme à l'appareil là. C'est pas sûr que c'est du Nord lui. Ouais, c'est... Eh ben dis donc, parce qu'en fait demain là je me fais opérer, je me fais enlever la bite pour devenir une femme. Ouais. Et j'aimerais bien l'utiliser une dernière fois avec ta bonne femme là. Ouais, donc. Il m'a pas dans ta gueule, tu la veux? Ouais, je veux bien. Je peux passer vite faire la baraque peut-être. Ouais, vas-y, viens. Bah, je viens, comme ça, je m'occupe de ta femme. Et puis, tu me mettras une main dans le cul, toi, si tu as envie. Ouais, va te faire enculer, pauvre mec. Bah, je vais venir, et puis, tu me le diras en face, que j'ai l'impression. Ouais, bah, que... viens, c'est qui, toi? Moi, je m'appelle Jean-Louis, moi, tranquille. Jean-Louis, tranquille. Ah, il croit que c'est ton nom de famille. Et donc, je viens, et puis, je m'occupe d'elle, moi. Je demande un rappel. Il y a une petite insulte, là, quand même. C'est Jean-Louis, tranquille. Je veux pas dire, mais le fils de pute à la fin. Allez, un rappel. Jean-Louis, tranquille, fils de pute. Je te donne un rappel. C'est mon nom de famille. Jean-Louis, tranquille. Un rappel pour Romano, pour tous les rappels qu'a eu Cédric et que Romano n'a pas pris derrière. Bah, si, à chaque fois, il les prend, gros. C'est moi, à chaque fois, qui me fait baiser quand il prend des derrière rappels comme ça, là. Allô? Ah merde, il veut plus. Eh ben voilà, Romano, tu l'as eu ton rappel. Voilà, comme ça, il n'y a plus de soucis. Ça, c'est du bon clash de la drague. Oh, j'ai bien arbitré en plus. Résultat du clash dans un instant sur Skyrock. Ah, merci pour les messages aussi que vous avez laissés sur les petits frères, les petites sœurs. Alors, j'ai des petits frères et des petites sœurs qui sont dangereux. Les casse-couilles. Mon petit frère est pyromane, il a foutu le feu au rideau. Non, mais là, faut lui mettre des tartes. C'est le message de Wait sur le 41759. Si vous en avez vu, vous nous dites, hein. Vous pouvez nous dire ça. Oui. Oui, je suis en direct de mon lit et j'entends mon petit frère qui pleure dans la chambre d'à côté. J'en peux plus. Ouais, mais ça dépend quel âge il a et si c'est un nouveau-né. C'est normal. Mais elle en peut plus. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Romano? Ah, j'ai vu un message aussi, une petite sœur qui fouille dans sa chambre en fait quand il est pas là. Et ouais, les petits frères, les petites sœurs, on en a parlé tout à l'heure. On a parlé d'amour, les résultats du clash, on vous les donne dans un instant. Et là, on va retrouver. Ah oui, il a 17 ans et avec nous, c'est Christophe qu'on va retrouver là tout de suite. Salut Christophe. Ouais, salut. Salut Christophe. Salut Christophe. Comment ça va à Mont-de-Marsan? T'es à Mont-de-Marsan toi, dans le 40? Ouais, je suis à Mont-de-Marsan, ouais. Comment ça va? Ça va, tranquille. Ça va, tranquille. Mont-de-Marsan, dans le sud-ouest. Dans les Landes. Eh ben, bienvenue à toi. Dans les Landes. Christophe, bien joué. Dans les Landes, ouais, c'est ça. Exactement. Ouais. Toi, tu nous appelles de l'internat, on m'a dit, Christophe, c'est ça? Ouais, de l'internat, ouais, c'est ça. Et tu rentres tous les week-ends chez toi, et toute la semaine, tu la passes à l'internat. Le vendredi et je reviens le dimanche soir. Et pour ceux qui se demandent est-ce que c'est bien l'internat ou pas, c'est bien, franchement c'est tranquille, t'as les potes et tout, tu t'éclates. Ouais. Bah c'est avant d'y aller que tu flippes un peu, mais une fois que tu t'es, une fois que tu y es, tu fais tes conneries. Ouais, c'est clair, t'en fais même plus que quand t'es chez toi en fait. C'est vrai. Les parents, en fait, souvent, ils disent oui, je t'envoie à l'internat si tu travailles mal. Bah ouais, mais en fait, tu fais bien plus de conneries. Libération. Dans ce cas-là, c'est oui. Clair, mais en plus, ouais, à l'internat, vu que t'es avec tes potes, tu t'engraines, donc tu fais deux fois plus de conneries qu'à la maison, quoi. Mais l'avantage, c'est que tu t'entends mieux avec tes parents parce que tu les vois pas toute la semaine. Ils sont contents de te retrouver. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, ça, Christophe? Ouais, vous avez raison. Ah, tu vois, donc il y a plein d'avantages à l'internat pour ceux qui sont en train de se faire pourrir. Oui, la menace, la fameuse. Bon, après, je pense qu'il y a des internats, ça doit pas être la rigolade tous les jours. Ouais, non, ça c'est évident. Bon, on salue les internats. Alors, c'est bien l'internat ou pas, nous demande Ypsilon. Bah, a priori, d'après ce que tu nous dis, c'est plutôt bien, toi, Christophe. Ouais, c'est cool. Franchement, c'est cool. Ça fait au moins une fois. T'as le choix entre internat et pas internat, tu prends la case internat. Ouais, c'est ça. Voilà, je vais me faire interner. Ça, c'est pas un luxe. C'est pas pareil. c'est bien dit songer, Cédric. Voilà, comme il a dit, je vais me faire interner. Non, bah, t'as bien raison. Voilà, internez-moi. Bon, on va le faire. qui c'est que t'aimerais avoir dans ta chambre d'internat, toi, Christophe, parmi les membres de l'équipe? Marie? Oui, j'imagine Marie, mais bon, on peut pas faire du mixte. Vous allez dire Marie, Romano, Cédric, Samy, Karim, Momo. Ah. Et on te disait, il y a un gars qui, y a un gars de l'équipe. A priori, personne. Ouais, pas facile à choisir. Tu prendrais qui? À part Marie, hein. Ouais, parce que. Romano. Romano. Pourquoi? Parce qu'il tient pas beaucoup de place et qu'il est tout petit. Ah non, on rigolerait, on chierait dans les lits et tout. Ouais. Ouais, trop drôle, trop bien. On montrait les lits en cathédrale. Monter les lits en cathédrale, c'est vrai, ça, on en avait déjà parlé. Ouais, en fait, tu montes le lit à la verticale, en fait. Et ça, c'est quand même super. Bah, surtout quand le mec, il va aller se coucher, tu sais, qu'il doit tout remettre en place. En plus, nous, c'était des lits. Il y avait des tiroirs en dessous, donc on vidait les tiroirs. Bon, le mec, c'était une galère, quoi. Au lieu de se coucher à 22. Comment? Vas-y, mets-toi bien en face du téléphone, ouais, parce qu'on t'entend très, super très mal. T'as la moussa rasée aussi, par exemple. Ah ouais. Vous faites les bites au cirage, vous? Non, du tout. Ah bah, tu devrais essayer. Oh bah. Délire assuré. La bite au cirage. L'essayer, c'est l'adopter. Ça n'a pas d'âge. Ah non, mais c'est clair. La bite tirée, l'essayer, c'est l'adopter. C'était plus alarmé, quoi. La bite au cirage. Non, mais c'est dégueulasse, t'es obligé de toucher la bite de ton pote. Bah non, parce que tu prends les sticks, là. Comme dirait Cédric, les stuiks. Les stuiks. Ah oui, bah. Oh là, les stuiks. C'est pas les boîtes rondes à l'ancienne, c'est les trucs avec la mousse au bout, là, où tu tamponnes. Et en fait, le mec, tu lui touches pas la tête. Faut juste le maîtriser. Quand t'appuies, le cirage il sort et puis t'étales avec l'éponge. Ouais, faut le maîtriser, quoi. Tiens, ma mère m'a menacé. Ah bah ça, ouais. Ma mère m'a menacé de l'internat. Vous me rassurez, là, c'est le message de Igor sur SMS. Ouais, c'est un grand classique. Oh, non, c'est pas Anthony, c'est qui nous laissait le message. Ah bah tiens, Ypsilon qui lui est, donc, qui posait la question à l'internat, c'est bien ou pas. Lui, il est déjà allé à l'internat. On bougeait, ne serait-ce qu'un doigt, on se faisait exploser en deux secondes. Donc c'est vrai qu'il doit y avoir des internats un petit peu plus serrés que d'autres. C'est carré, ouais. Ah bah oui, bien sûr. Ouais. Bon, on va y revenir parce qu'il y a quand même. Faites l'espèce d'aquaplaning dans les couloirs. Qu'est-ce que c'est, l'aquaplaning? Avant les vacances. Ah ouais, avant les vacances, ouais, nous aussi on le faisait surtout le week-end. Bah en fait, t'inondes le couloir en gros. Avec de l'eau, du savon, puis après tu glisses, soit t'as un matelas pneumatique et tu glisses dans le couloir. Pas qu'il y ait de la moquette par terre. Ah bah non, si, ça marche avec le carrelage. Oh mais ça on le faisait dans les couloirs de Skyrock. Ouais, dans les couloirs ici. Ouais, bah ici, ouais, c'est vrai, ouais. Ah, on a monté un internat à Skyrock, nous. Ouais, des murs, ils sont restés. Ouais, des courses de chaises. Dans le mur, là. Ouais, ouais. C'est vrai, les murs, ils sont restés. Ouais. C'est à Skyrock, il y a des trous dans le mur. C'est ça. Parce qu'il y a un mec, sa jambe, elle a traversé le mur, quoi. On l'avait projeté un peu fort. Ouais, bon, c'était dans le coup, toi. On a parlé des trucs bien à l'internat. T'as 5 minutes, Christophe? Parce que, il y a quand même un petit problème dans ton internat, toi. Il y a un petit problème. On va découvrir le problème d'ici quelques instants. Mais avant ça, Romano, c'est à toi de nous présenter le moment de l'émission que t'as kiffé et que tu as choisi pour nous en ce vendredi soir. Ah ben, le moment, c'est un jour on faisait l'émission. Parce qu'on a choisi des moments d'émission qu'on aimait bien et qu'on aimerait réécouter. Alors là, c'est... Bah, c'est un jour on faisait l'émission comme tous les soirs à la Radio Libre. Oui, tranquille, quoi. Et là, je reçois un appel et on m'informe que Cédric est bloqué dans l'ascenseur de Skyrock. Et ça, c'est super. Et il était en retard. Ah ouais. Il était en retard, il était bloqué dans l'ascenseur, Marie. Et donc, à partir de là, nous avons décidé de le secourir. Oui, écoutez bien. Donc, c'était Cédric bloqué dans l'ascenseur. Attendez, excusez-moi, il y a une urgence. Il y a une urgence. Qu'est-ce qui se passe? Le Belge est bloqué dans l'ascenseur. C'est pas vrai. Passe-nous Cédric. T'es sérieux? Cédric. Attends, Cédric. Vas-y, mets le haut-parleur, Romano. Il n'y a pas de haut-parleur. Ah, il n'y a pas de haut-parleur. Non, c'est... On te rappelle. On te rappelle, Cédric. Cédric, on te rappelle pour prendre des nouvelles. Il est coincé dans l'ascenseur. Il n'a pas de réseau. Mais comment tu m'appelles si tu n'as pas de réseau? Ah, bonne question de Romano. Hein? On le rappelle. Bon. On te rappelle, Cédric. Ce qui est bien, c'est que Cédric, en 10 secondes, te dit tout et son contraire. Voilà, j'ai pas de réseau, mais je t'appelle. Ouais, c'est ça. Bon, allez, rappelez-moi. J'ai serré au clash, mais je me suis fait jeter. Ouais, c'est ça un peu. Bon. Alors, appelle Cédric dans l'ascenseur. Vas-y, je l'appelle. Non, mais il a déclenché l'alarme et tout. Hein?

panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda. I got broads in Atlanta, twisted to be in the family. Credit cards and the scammers, hitting the links in the van. Legacies, family, ways they look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on their hands. Legacies, family, ways they panda. Packers full, Danny, selling ball, candy. Man, I'm the macho like Randy. If the chopper go ask for Grammy, then they can pull up your banner. Hope the killers understand me. Panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda. Radio Libre, 21h minuit sur Skyrock. Et merci d'être là ce vendredi soir, on termine bien la semaine là. On va retrouver la suite des aventures de Cédric dans l'ascenseur. Cédric bloqué dans son ascenseur. Ouais, voilà. Avec un pauvre mec qui... Et le pauvre gars. Ah ouais, c'est clair. Il avait rien demandé. Non, il se retrouve bloqué avec Cédric dans l'ascenseur. Voilà. Surpoids. C'est le moment d'émission que t'as choisi, un des moments qui t'a fait kiffer, Romano. Pourquoi ça t'a fait kiffer? Bah ça m'a fait kiffer, parce que ça m'a fait rigoler, parce que le mec il lui arrive que des galères. Ouais, Cédric, c'est ouf. Hein. C'est... Entre la clavicule cassé, les quêtes cassées, les quatre queues, après il y a eu les bagnoles pliées, les vacances de l'hôtel qui prend feu, qui est inondé, ouais, la totale, une bagnole de l'eau qui est explosée, ouais, et le vol de ces fauteuils de voiture, oui, et tout aussi, ça, ouais. Aussi, ouais. Oui, la voiture dépouillée, il n'y avait plus rien à l'intérieur, ouais. Il restait la carcasse autour, ouais. Et ce soir là on prend l'ascenseur, tout s'est bien passé pour nous sauf pour lui. Pas de chance, Cédric. Dommage. Bon, j'ai aussi les résultats du clash à vous donner. J'espère le clash collector de ce soir. Très serré, le clash collector de ce soir, 52-48. Ah, c'est ma gueule. Cédric, c'est serré, et Romano, vous avez fait un beau clash. C'est serré, c'était magnifique. Et ouais, Romano, serré, ouais. Tu fais 48. Non. Ou 52. Fous de ma gueule. Bah ouais. Il est pas bien, il est pas bien. Bon, 52% pour Romano, c'est ah, bah serré. Voilà, hein. Bah voilà. Bah oui, ouais. Ah, merci. Toi, collecteur, mais j'ai choisi vraiment parce qu'il m'a fait kiffer. Merci, clash. Mes amours. Bon. Team Romano, vous êtes toujours là dans mon cœur. D'autres moments qui nous feront kiffer. Le multi-appel. Ah ouais, celui qu'on a fait il y a deux jours, là. Ouais, c'est ouais. Ça. En Bretagne, les voisins bretons, on va les retrouver. On va retrouver les pervers de Samy. Ouais, alors, bonne c'est sélection, vous allez voir. Ouais, en fait, il a réécouté plein de moments de Pamela et il a choisi quelques pervers et Pamela, donc tout on à l'heure. On va kiffer. Dans une heure. Momo devant un match de télé aussi. Yes. Demain, un match à la de télé. Basket. De basket, on le retrouvera, c'est la sélection de Marie. Yes. Et puis là, eh ben tiens, la suite des aventures de Cédric dans l'ascenseur avant qu'on retourne à l'internat de Christophe, parce qu'on a aussi eu Christophe. Ouais. 17 ans, il y a un problème à l'internat, on découvre ça tout de suite, mais là, attention, place à Cédric dans l'ascenseur et écoutez comment il démarre, le le show. Bon. Par contre, je commence à tuer là du cul. T'es sale. Parce qu'il y a des petites lumières dans l'ascenseur, mais elle chauffe. Ah. Le mec, on peut plus d'ailleurs, on entend le mec derrière qui va s'exclamer. Le mec, je serais lui à côté, je commencerais à paniquer. Oh là, les lumières, elles chauffent, je pense qu'il voudrait mieux se mettre dans le noir. Ah, c'est ça. Ah, monsieur, je pense qu'il voudrait mieux se mettre dans le noir pour notre sécurité. Ah, on va se mettre dans le noir, un petit peu d'intimité. Ah, moi, je suis noir déjà. Bon, c'est ben, comme ça. Monsieur Shkoumoun de Skyrock, il a toujours que des galères, on nous dit. Là, c'est Carmelo qui nous envoie le message. Ah, mais c'est un truc de ouf. Ouais. Non mais c'est bon, c'est dans deux minutes t'es là. T'es sûr? Ouais, c'est bon. Il y a le technicien qui est parti chercher la bonne clé. Le technicien? Ouais, il est parti chercher la bonne clé. Bon, il est parti la chercher à Marseille. Elle est dans la voiture au parking. Parce que là on a galéré avec des pinces, mais c'est ça doit sentir la transpiration, nous dit Emeline sur SMS. Ouais. Je vous signale que c'est nous qui allons subir derrière. Ah ouais, oui, c'est vrai. C'est vrai. Ah, mais je suis en nage. Ouais, mais il faut aller claver avant, monsieur. Ah ouais, avant l'émission. Ouais, je me suis lavé. Cédric dans l'ascenseur. Très bien. Ah, mais putain, j'arrive plus à le joindre maintenant. Ah, ça y est, il a plus de batterie. Le mec va rester complètement isolé du monde pendant je sais pas combien de temps. Et il y a des messages là. Je sais pas s'il nous entend, Cédric. Je sais pas s'il y a le retour dans l'ascenseur. Il y a le retour de la radio. Peut-être que t'entends un peu, Cédric. Ouais, peut-être. Ouais, il y a Marie qui nous a envoyé un message. Elle a 17 ans. Et elle est bloquée. Elle est restée bloquée pendant 7 heures dans un ascenseur avec sa mère. Heureusement qu'on n'était pas toute seule. Sinon, je pense que je pétais un câble, qu'elle nous dit, la pauvre Marie, qui est restée 7 heures dans son ascenseur. Ah ouais, putain, bon courage, tiens. Alors, Samy, des nouvelles de l'ascenseur? Bah, on a réussi à ouvrir un peu la porte, mais en bas, en fait. Ah, Cédric est de retour, on a réussi à le joindre, Cédric. De l'air. Mais vous avez réussi à lui passer un téléphone, parce que ouais, j'ai pu appeler téléphone sur un fixe portable. De l'accueil. Non, mais regarde, on le voit un peu. Ah ouais. Fais voir. Ah ouais, Cédric. Une belle photo qu'on va vous mettre sur les réseaux sociaux. On va la mettre sur les réseaux. Cédric, regarde comme il est beau. Oh, magnifique. Allô. Oui, que se passe-t-il, Cédric? On entend du monde autour de toi. Ben non, parce qu'en fait, on arrive à ouvrir la porte, mais en fait, je suis entre les deux étages. Il est entre les deux, en fait. Entre le le bas. Ah bah évidemment, quand on te dit qu'il faut maigrir, bah oui. Ah mais même, c'est trop petit, c'est trop risqué. En fait, t'aurais été svelte, tu serais déjà dehors. J'ai coupé mon corps en deux si je fais ça.

l'internat Christophe qui nous a passé un petit coup de fil. Christophe, 17 ans. Eh ben, Christophe, c'est à toi. T'es là, Christophe? Oui. L'internat, tu as fait une belle promo pour l'internat et tous ceux qui sont en train de se faire agarre par la famille. Et oui, avec les darons qui disent si tu travailles pas mieux, je te fous à l'internat. Le grand classique. Bon, l'internat, c'est pas mal. Sauf que, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a un problème dans ton internat. Mais quel est donc ce problème dans ton internat, Christophe? Ah, le problème, c'est que le mec de ma chambre, il pue des yep, c'est affreux, quoi. Tu as quelqu'un, donc tu. Vous êtes combien dans votre chambre? On est quatre. Vous êtes quatre dans votre chambre. Ouais. Et donc, il y a un gars, il pue des pieds. Ah, faut ouais. le laver, hein, le mec. Bah, il faut qu'il se lave, ouais. Non, mais faut le laver. Faut les couper, non? Ouais, mais même en se lavant, en fait, ça part pas. Non, mais jamais vous l'avez chopé, vous l'avez lavé. Non. Mais il se lave et tout, mais je sais pas, ça part pas. A priori, pas ses pompes. Non, mais ça déjà, ses pompes, ouais, il faut qu'il les foute dehors. Il les brûle. Bah non, genre en dehors de la chambre. Ouais, foutez-les dans une chambre que vous aimez pas. C'est la planque. Plus fort qu'une boule puante. Oui. Il aurait plus besoin de boule puante. On vous a mis les pompes de notre. De potes de la chambre. Ah, mais il fout du déo dans les pompes et tout ça. Enfin, je sais pas. Mais du déo dans. Imagine, la pompe elle pue. Tu mets du déo dedans, ça fait ressortir l'odeur du. Mais il y a des trucs. Il y a des trucs, mais bon, ça marche pas, hein. Mais c'est quoi qui c'est ses pieds qui puent ou alors c'est ses pompes qui puent et qui font puer ses pieds, tu vois ce que je veux dire? Je crois que c'est les deux en fait. Il faut changer de chaussures. Et puis change de pieds aussi. Et de chaussettes aussi peut-être. De pieds, ouais, il faut changer les pieds. Il change tout court en fait. Il a peut-être des champignons au pied. Non mais je pense que mais s'il pue en permanence, oui. Ouais, non mais il a un problème. C'est-à-dire qu'admettons quand il sort de la douche, il pue déjà des pieds quoi. Non, il à peu près une heure après quoi. Ah ouais, d'accord. Il faut qu'il s'essuie entre les orteils aussi. Ouais, non mais il faut qu'il s'enlève les pieds. Regarde, bah les pieds. Mon ablation des pieds, elle a du succès. Pratique. Faut enlever tes pieds avant de rentrer dans la chambre. Mais c'est vrai, un mec qui pue des pieds. C'est Non mais faut. Il y a Jus qui dit ouais, les chaussures et les chaussettes, faut les mettre au bord de fenêtre. Non mais faut le laver, faut le laver. Il est 6 dans la chambre. Ouais, ça mon lit, il est au bord de la fenêtre, donc bon, j'ai pas trop envie de ça. Ah, vous savez que moi c'est une des odeurs qui me dégoûte le plus, l'odeur des pieds. Ah ouais, c'est clair. C'est même limite pire qu'une odeur de cul parfois. Ah ouais, ça dégoûte. Ah non, des ça se voit que t'as pas senti le mien. Oui, c'est vrai, imagine Cédric. Mais j'ai pas senti tes pieds non plus. Enfin, on les a sentis de loin, mais j'ai pas mis le nez dessus, tu vas me dire. Mais tu pues H24 du cul, non? Non. Qui donc? Cédric? Ah. Ah ouais, il a toujours le cul avec. Mais non, mais parce que vu que tu chies 5 fois par jour. Non, mais viens me sentir le cul, tu verras. Non, ça va aller, franchement, tes propositions malsaines. Mais vas-y, tu mets ton nez au niveau de mon cul, tu verras que ça pue pas. Viens me sentir le cul. Viens, fait. Non, mais rien du tout, ça. Tu pourras témoigner. Non, ça va, Cédric, merci, c'est très gentil. T'as, et puis arrête de perler, quoi. Mais tu te mets à quatre pattes, tu me sens, et puis voilà. Ouais, ouais, bah non, mais t'es un malade, mon pote. Tu vas avoir des problèmes, toi. Tu vas finir au tribunal. Il va te péter la gueule. Oh là. Non mais c'est vrai que c'est un souci. Après si c'est en permanence et si c'est une. Est-ce que par exemple une heure après s'être lavé, même s'il a pas mis de chaussures, il repue les pieds? Ah mais il daube, ouais. Après je suis pas là à sentir ses pieds. Oui, ça, mais, c'est sûr. Non mais par exemple, est-ce que sans mettre de chaussures, par exemple, c'est quand on rentre à 17h30 le soir et quand il enlève ses chaussures, c'est une infection quoi. Ouais, mais la question en fait c'était pour savoir s'il avait genre il met pas de chaussures, il pue quand même des pieds même après s'être lavé. Là mais il a des champignons. Non, ah bah c'est qu'il a des trucs, oui, ça c'est sûr. Pas mais genre une à deux heures, après il champignons. Recommence à puer quoi. Ah, ouais, étiaxyl pour les pieds. Mycose aux pieds. Non, étiaxyl. Non mais ça c'est un médicament. La mycose, c'est la maladie, Cédric, c'est pas un médicament. Bon non, faut pas manger de mycose. J'ai lu ça tout à l'heure, il y a plein de gens qui nous disaient étiaxyl, antitranspirant pour les pieds. Ah ouais. Étiaxyl, oui, c'est vrai. Oui, tu as raison, Cédric, étiaxyl. Ouais. Contre mais achetez-en un bidon hein. Ouais. Non mais c'est qu'il transpire en fait, non? Ouais, non mais déjà dans ces cas-là, faut faire le truc électrique. Non mais déjà interdisez-lui d'enlever ses pompes dans la chambre. Ouais, déjà. Le mec il dort avec. Non mais il les enlève dans les. Non mais je suis désolé, non mais oui. Non mais le mec quoi, à l'entrée de la piole, il enlève ses chaussures et ses chaussettes. Il met des sacs plastiques autour des pieds, voilà. Ouais, mais il les met où ses chaussures et ses chaussettes? Bah dehors. Ah bah il se démerde, mais pas dans la chambre. Je dis dans la chambre d'un autre. Il les met devant la porte, il va se les faire voler. Ah non mais personne. Non, personne les volera, c'est vrai. Sur le bord de la fenêtre. Non mais juste pour la blague, c'est obligé, il y a des mecs qui vont lui péter, tu vois. Non, je suis les mecs qui vont, les mecs qui vont vite aller refuser. Vu l'odeur. Ouais, je pense que ça va leur passer leur envie de faire une petite blague. Puis tu les retrouves au nez en fait. Oui. Après lui, ouais. Alors elles sont où? Ouais, c'est ça. Ça approche. Ah non, pardon, excuse-moi, Cédric. Oh là, t'es dans mon cul là. Non non. Mais toi, à une époque, Cédric, tu sentais les pieds de tout le corps, ça venait d'où? Ah non, c'est pas. T'avais une mycose aux pieds, mais sur l'ensemble du corps. Non, moi je pue pas des pieds, moi. Si, dis pas n'importe quoi, c'est Romano qui pue des pieds. Mais non. Un soir, il était venu, il avait embaumé le sujet. Oui, mais c'était pas ça. Ah, mais ça, j'avoue. Ah, toi, tu pues des pieds. Ah ouais. Non, mais bon, j'avais skié. Excusez-moi d'être sportif. C'est quand même hallucinant, quoi. On avait plus le droit d'être sportif, quoi. Et de haut niveau. T'as le droit d'aller te doucher après aussi. Non, mais j'ai pas eu le temps. En fait, ce qui s'était passé, c'est que. Parce que moi, les vacances, quand on part en vacances, je rentre au dernier moment. Oui, t'as un lâche rien, quoi. Donc, c'est-à-dire que. Il skie juste. Je sais plus bout. Comment ça s'était goupillé. C'est que. Bah, t'avais skié le matin et puis t'étais rentré dans l'après-midi. Ouais, voilà. Et en fait, vu que j'avais rendu l'appart, j'avais pas eu le temps de me laver pour être à l'heure à mission, parce que je suis professionnel, contrairement à d'autres. Jusqu'au bout. Toujours à l'heure, tiens. Eh bah, ben, pour être à l'heure, j'avais pas eu le temps de me laver les panards. Eh bah, ben, putain, la vérité qu'ils soient à l'heure. En même temps, c'est bien de votre faute. Vous m'aviez dit d'enlever mes pompes. Je vous avais prévenu avant. Ah ouais, c'était monstrueux. Ah non, mais j'avoue, ça sentait la raclette. Moi, je croyais encore à la montagne. Ouais, bah, dans un chalet d'altitude. Ah ouais, ouais, ça c'est. Moi, je me croyais dans une fromagerie, dans l'usine de fabrication de, je sais pas, du Roquefort. Ouais, ou du Camembert. Non, mais déjà, les chaussures, quand tu les loues, ça pue. Alors après... Ah, bah non, j'ai les miennes. Ouais, mais ça, ouais. Ça marine dans mon odeur. Ouais, c'est ça, ouais, c'est mieux. Oh. Non, non, maintenant, ils les nettoient hein, dans les. Ouais, et puis ils les posent sur les trucs. Ils ont des machines souffle, en fait. Ouais. Toute la nuit, ça souffle dans la chaussure, ça choque. Il y a quelques années, ouais, c'était une puanteur. Ah ouais, maintenant, ça sent le neuf à chaque fois. Ouais, c'est nettoyable. Ils ont des trucs où les mecs sont sur des socles en fait, et ça chauffe et ça souffle toute la nuit. Mmh. Ça envoie genre comme du déo et tout. Donc tu les prends, elles sont nickel, les chaussures. Nickel. Ouais, c'est désinfecte et ah, tout. Ah, grave. Voilà, bah, ça fait des années que je peux être aussi, alors je pourrais pas te dire. Non, non, mais maintenant ils le font. Hein. Toutes les boutiques, ils les ont. Hein. Ouais. Alors, Maglite qui nous dit moi, c'est un pote, il est pareil que celui de Christophe. Mais nous, c'est juste au vestiaire, en sport, une fois par semaine. Ah ouais, donc une fois par semaine, c'est Maglite qui nous laisse un message. Lui, une fois par semaine, il supporte un pote. Toi, le problème, c'est que tu vis avec, carrément. Ouais, voilà, je vis avec. T'as pas de chance, toi. Ah ouais. Non, parce que moi, c'est arrivé, tu sais, à l'internat, pareil, c'était des chambres de 4 à la fin. T'avais des salles. Et il y avait des mecs qui puaient, bah, les autres, ils l'emmenaient à la douche de force. Et ils les lavaient. Ouais. Non, mais tout habillé, tu sais, le foutait sous la douche. Et en fait, bizarrement, le mec, après, il comprenait. Et il allait se réveiller régulièrement. Bon. Ouais. Survivor 07, il a ma méthode. La méthode de, on lui coupe les pieds, comme ça, il n'y a plus de problème. De me péter sa chaussette, là. Ça va plus vite. Comment? Il vient de me jeter sa chaussette. Ah, parce qu'il est là. Oui, il est avec côté. Toi, le poteau. Ah, bah passe-le nous. Tu te le passes? Bah oui. Bah ouais. Ok. Vas-y, pas le coup. Comment il s'appelle? C'est quoi son prénom? Ouais, donne son prénom quand même. Jamel. Benjamin. Ah, Benjamin. Benjamin. Moi, j'ai compris Benjamin. Benjamin. C'est Benjamin. Jamel. Non, on est dans le sud-ouest. Donc c'est Benjamin. C'est Benjamin, plus des pieds, quoi. Ouais, vas-y, passe-toi, Benjamin. Ouais, je vous le passe. Merci. N'empêche que pour lui, ça doit être relou aussi. Ouais, quand même, t'as pas ce thème. Oui, c'est vrai, tu as raison. Allô, Benjamin. Salut, Benjamin. Ouais. Ouais, Lyon, alors, on pue les pieds. Ouais, type. Ouais. Tranquille. Bon, toi, ça te dérange ou alors... Ouais, quand même. Bah oui, mais par exemple, tu te laves les... Je posais la question à Christophe, ton pote. Tu te laves. Genre, au bout de combien de temps, sans mettre de chaussures, sans remettre des chaussettes sales, tout ça, tu repues des pieds? Bah, ça, j'en sais rien. C'est juste quand j'enlève mes chaussures que je sors, hein. Ouais. Et bah, garde-les. Oui. Ouais, garde-les tout le temps. Alors, on avait une solution dedans avec ouais. Et t'as des petits trucs sur les pieds, des, je sais pas, des petits pas des champignons. Non, j'ai rien. Non. Et tu te coupes bien les ongles, tout ça? Oui. Tu t'essuies bien entre les orteils après la douche? Oui, c'est tout bien. Ouais, c'est tout bien, pas tant que ça. Mais faut changer de chaussures de temps en temps aussi. Ouais. Si toute l'année tu mets les mêmes baskets, alors l'été t'as des baskets tout le temps, des baskets. Non, mais je change. Ouais, tu changes. Je sais pas quoi te dire. Après, change peut-être tous les jours. Non, ouais, ou alors le truc électrique, là. Ça te coûtait cher, oui. Le truc électrique. Ah oui, électrolyse, voilà, c'est ça. Tu transpires des pieds ou pas? Ouais, un peu. Ouais, pas plus que ça, en fait. Ouais, non. Non, mais tu dois avoir une espèce de mycose. Donc, on nous disait éthiaxyle. Tu disais quoi, Cédric? Bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude. On dit aussi l'acide borique. De l'acide sulfurique. T'inquiète, les pieds vont fondre. Ah, l'acide borique. Deux petits moignons bien mignons après. C'est de la poudre, en fait. Économie de chaussures et puis économie d'odeur aussi. Ah, attends, on a quelqu'un qui pue des pieds là. Ah, mais déjà, fous tes pompes sur la fenêtre. Ah. Oui, au début de l'année, c'est ce que je faisais. Et puis maintenant. Et il y a SD, Mickaël, c'est vrai que ça existe. Ouais. Achète une bombe désodorisante pour pompe. Il y a des produits exprès justement pour. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Enlever les odeurs. Là, les tiaxis, je crois que c'est tu mets sur tes pieds. Sur tes pieds, oui, c'est ça. Aussi dans les chaussures. Ah, aussi dans les chaussures. Je ne savais pas. Il y a Priscilla qui dit, moi c'est une copine, elle pue grave des pieds, mais elle est sale. Ah bah c'est parce qu'elle est sale. Toi, tu te laves tous les jours au moins. Oui. Et quand tu dors avec une meuf, ça va être l'enfer. Bah tu la tues. Ah ouais, comment ça se passe quand t'as une meuf? Tu fais l'amour avec tes chaussures? Non, mais non, quand même, on s'en fout. On s'en fout, Marie. Ah non, c'est un tue-l'amour. Est-ce que c'est un tue-l'amour, oui? Ah non, les odeurs, c'est un tue-l'amour. Ah, moi aussi, pareil. Ah ouais. La plus belle meuf du monde, elle a des pieds qui puent. Ah ouais. Okay. Excuse-moi, ma chérie, je travaille dans le fromage. Ah non, mais. Je sens, oui. Je vois ça. Alors attends, bouge pas parce qu'il y a Cyril du 93 qui est en direct avec nous. Donc nous sommes en direct de l'internat dans la chambre, de Benjamin, alias pue des pieds. Salut Cyril. Ouais, salut Difool, salut l'équipe. Salut à toi. 22 ans dans le 9-3, toi, Cyril. C'est ça, t'as tout compris. Alors, tu voulais témoigner par rapport à Christophe et à Benjamin, là? Ouais, tous les trucs, là, les déos, les machins, en fait, ça fait que masquer l'odeur, ça n'a rien changé. En fait. Mais genre, un truc comme Etiaxil, t'as essayé, ça marche pas? Alors, tout ça, j'ai pas essayé. Moi, j'avais un pote qui a essayé plein de trucs. Ouais, j'ai un pote qui a essayé plein de trucs, peut-être qu'il a essayé ça, et ça marchait pas, et moi, à un moment, ça fait pareil, et ça changeait pas, genre, il se lavait les pieds tout le temps. Et ça marchait. Et même juste après, ça sentait encore. Putain, en fait, c'est un truc, une poudre. Mais c'était qui puait? C'était toi? C'est moi. Non, c'est un pote. Ah, et moi, ça commençait à me le faire. C'est moi. Putain, vous étiez contaminé, quoi. C'est pas. Il a contaminé tout le monde. Il a tout essayé. Et seul truc qui a marché, c'est pas une bombe, c'est un produit, en fait. Et du coup, moi, j'ai fait pareil, et dès le premier coup, ça marchait. C'est un truc que je trouve en pharmacie, je crois. Ça s'appelle Sudine. Sudine. Sudine, et tu fais ça tous les Sudine, deux, trois mois pour avoir les pieds clean. Ah, bien ce slogan, voilà. Dis donc. Mais leur vendre. Pendant genre 5-10 jours. Et c'est une sorte de poudre, en fait. Tu mets dans les chaussettes, tu gardes la journée, et ça travaille dans le pied, en fait. En fait, ça te nettoie les trucs qui font puer des pieds. Genre, par exemple, si t'as des champignons, ça te détruit les petits champignons. Ouais, voilà, mais en fait, ça rentre dans. Même si t'as rien, quoi. Comme dans les chiottes quand tu mets un anti-calcaire, ça ronge de calcaire. Je pense que c'est ça, ouais. Juste caché, les bactéries. Quoi. D'accord. Et ça a marché pour lui et pour toi? Ouais. Lui, il y a que ça qui a marché, là. Il y a plein de trucs, il m'a dit. Sudine. Moi, j'ai fait que ça. Ah ouais, c'est vrai, hein. Sudine poudre. Écoute bien, ouais, Benjamin. Sudine poudre. Tu notes pour Benjamin, Christophe. Sudine poudre régule immédiatement et durablement la transpiration des pieds. Résultat visible au bout de. Attends, il faut que je clique. 10 ans. Non, c'est au bout de. Alors, tac, propriété Sudine. Au bout de 3 jours. Ah ouais. Prévient l'apparition des mycoses et prolonge la durée de vie des chaussures. Voilà. Traitement d'attaque. Pendant une semaine chaque matin, le contenu d'un sachet dans chaque chaussette, coton ou laine de préférence au synthétique. Traitement d'entretien, renouveler le traitement une journée tous les 10 jours. Après, tiens, en parlant de synthétique. Ouais, en fait, c'est à base de talc. Il vaut mieux prendre des chaussettes en coton. Non, faut être du talc. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Après, hein, par contre, si t'as des chaussettes noires, ça fait dégueulasse, quoi. D'accord, ouais, et sinon, les chaussettes en coton, c'est mieux que les chaussettes en synthétique. Bah ouais, c'est comme les sous-vêtements. Ah bah ça me dégoûte, le synthétique. Ah, moi aussi, pareil, j'aime bien le coton. Ouais, pareil. Et sinon, tu l'as même en spray si tu le souhaites. Sudine, spray chaussure. 125 millilitres. Donc tu vois, déjà, une solution. Donc, on nous a dit Etiaxil, bicarbonate de soude et tout ça. Et toi, tu nous dis, Cyril, Sudine. Non, mais en fait, Sudine, c'est un peu un cocktail de tout. C'est-à-dire dedans il y a du talc, il y a le truc là, Cédric, le truc que tu disais, l'acide borique, il y a différents trucs dedans, il y a je crois qu'il y a même du maïs, tu peux même en manger. Magnifique. Sympa. Ouais, parce que le problème c'est que le talc, si tu transpires vraiment des pieds, c'est qu'à la fin de la journée tu vas avoir une brique dans le pied, quoi. Ouais, c'est ça. Et ça c'est pas super. Ouais. Bon, non. Construire une maison ou un mur, mais. C'est sympa. Bon bah écoute, merci Cyril. Essaye. Alors ce qu'on va faire, on va faire le test. Tu fais le test, essaye de voir ça se trouve dans toutes les pharmacies ton machin. Ouais. Bon, très bien. Pour ça se trouve facilement. Par la pharmacie. Et on nous envoie des liens aussi avec des vidéos qui donnent des astuces contre les odeurs de pieds, des vidéos YouTube. On va mater ça. Des tutos. Des astuces naturelles contre les odeurs des pieds. Bon, on peut te mettre ça d'ailleurs sur le difool.skyrock.com. Ah bah ouais, pourquoi pas. Ouais. Bon bah écoutez, on va te mettre ça. Cédric, il y a des vidéos à aller voir. Ouais, une super vidéo, elle est pour toi. Tiens. Ouais. On va te la mettre sur tous les réseaux. Bah je vais aller. Ouais. Tous les réseaux de Sky. Donc tu notes Sudine, t'as noté Christophe. Ouais, pas de soucis, ouais. Donc tu donnes ça à Benjamin. Je peux passer une petite dédicace, vite fait. Vas-y, en direct de l'internat de Mont-de-Marsan, parce qu'on demande il est où son internat. Et franchement, Sudine, la boîte de 6 sachets double, 9,95€. Ça va. À ce prix-là, faut pas hésiter. Non, mais à la limite, vous cotisez, parce que tout le monde pourra en bénéficier. Hein. Et vous trouvez qu'à 10,50€ avec Romano. Oui, je vous le vends un peu plus cher, si vous voulez. Mais c'est une affaire. Ah, évidemment, toujours. Ah bah attends, toujours. Et 22,65€ en 100 millilitres en spray. Non, et mais voilà. Essayez déjà petit échantillon. Bah oui. Pour voir si ça marche logiquement en 3 jours, ça fonctionne. Ouais, pour une boîte de 6 sachets, c'est pas mal. Ouais, bon. Essaye. Donc vous testez d'ici la semaine prochaine. Tu voulais faire une dédicace, Christophe? Ouais. Petite dédicace à Benji, Vic, Duprat, Lano et tous les mecs de l'internat, Laetitia, la 123 aussi. Bisous à tous. Eh ben, bisous à Benjamin. En fait, les autres, ils disent, quand tu vas te balader, il va y avoir une espèce de cercle autour de toi, vide, avec les gens qui vont l'éviter maintenant, maintenant qu'ils sont tous au courant, là. Et sinon, vous pouvez vous acheter un masque également. Plusieurs messages que vous nous avez laissés, notamment BMW, Ahmed sympa, également, qui nous a laissé le message du un masque. Un petit masque à gaz, ouais, c'est sympa ça, comme tout. Donc voilà, mais essayez Sudine. Donc on fait le test et puis on essaye ça. Et puis tous ceux qui ont eu les mêmes problèmes avec des potes, tiens en sport, en foot, pour yo sur SMS. Ça les vestiaires en général. Ouais, vestiaires de foot, on a un pote, mais ah ouais, c'est l'horreur, il nous dit. Et sinon, on a d'autres médicaments. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Éconazole, une pommade super efficace. Loïc du 63, moi aussi avant je pétais les pieds, mais depuis Éconazole, c'est fini. Bravo. Ah bah tant mieux hein. C'était ignoble après la douche, un pote qui puait des pieds avec ou sans chaussettes. Mais il arrivait à baiser quand même plein de meufs. Eh ben tu vois. Bah tiens tu vois, c'est Judy Lay, elle va. Elle avait pas de nez peut-être. Elle nous envoie le message. Là. Les meufs mais sans nez. Les femmes sans nez. Peut-être. Et les chaussures de bowling qui puent. Ah ouais, ah ouais mais souvent les trucs que tu prêtes comme ça, ouais, ouais. Comme les pâtes à glace dans les patinoires. Et moi ça, ça me dégoûte de prendre des Ouais mais bon t'as pas le choix hein, tu vas pas aller sur la glace avec des baskets. Non. Et c'est vrai que ça marche moins bien. Et quand tu vas ça faire va, du bowling, tu vas veux galérer quoi. Non mais de toute façon au bowling c'est que le mec il te laisse même pas accéder aux pistes si ça a pas les bonnes pompes donc. Bah, oui. Et pareil que les ballerines ça pue très fort. Ah oui c'est le pire ça. Message de Juju, elle a 22 ans. Ah ouais les ballerines en cuir là machin. Ah ouais c'est horrible. Elle était à l'internat comme vous les gars. On était 6, les ballerines, ça pue à la mort. Ah, faudrait que je sente celle de Carriole. Non, donc, mais ça, les ballerines, gros. Tout ça, mais putain, non, j'ai pas la pression. Même moi, une meuf qui pue pas des pieds, les ballerines, ça pue, gros. Ah, bah, Carriole, elle pue un peu des pieds, donc. C'est un truc de ouf. Ah, bah, c'est sympa, putain, c'est alors, c'est sa fête ce soir. Non, mais, des fois, je lui frotte les, tu sais, je lui gratte les pieds, quoi. Si elle aime bien que je lui gratte les pieds, je sens mes doigts, tu vois. Ah. Et, des fois, bah, il a les mains qui puent les pieds. Ouais, l'impression d'avoir, découpé du camembert. Moi, ah, non, t'as moi, c'est mon corps. La pauvre. Tout le corps, c'est vrai qu'elle sort. Le corps camembert, bon, on vous embrasse. En tout cas, merci Benjamin, ouais. Merci Christophe. C'est la radio libre de Difool sur Skyrock. Et ouais, jusqu'à minuit sur Sky, on va se passer Travis Scott tout de suite, c'est bien ça. Travis Scott, ouais, Travis Scott, une découverte Skyrock. T'aimes bien Karim? Ouais, j'aime bien moi. Lui, il a couché avec Rihanna. Et c'est ça, ouais. C'est son ex. Et ah, ouais. Ouais. Ils ont tous couché avec Rihanna en fait. En même temps, ouais. Non, pas non tous. C'est pas tous, mais quelques-uns. Enfin, il y a que toi Difool dans l'équipe en tout cas. Ah, en effet, c'est oui. Vrai, tu as raison. Ouais, ouais, c'est vrai. T'as raison, Samy. Dans l'équipe, je regarde, ouais. Non, non, moi, elle a pas voulu, moi. On pourrait peut-être coucher avec Cédric, non? Salut les filles. Ah. Rihanna, qu'est-ce que tu en penses? Ah voilà, la palette chaude. C'est bon, instantané. Travis Scott, du Alonso, du Pitbull, du Florida et Pamela qui arrive. Oui. Avec la sélection de Samy. Pas de problème. Momo qu'on retrouve bah, dans un instant, bougez pas, il arrive. Et puis ah ouais, si vous faites des délires sur Snap, restez bien dans le coin, on aura Armando, ouais, Snapchat. C'est Snapchat. Allez, on en reparle tout de suite. Tout l'été, Géant Casino t'a fait vibrer au rythme du Brésil en mode barbecue fiesta. Aujourd'hui, Géant Casino félicite Nicolas, Géraldine, Emmanuel et Pauline pour avoir gagné le concours du plus beau barbecue de l'été. Leur récompense, 8 jours de fiesta au Brésil, tout frais payé. Merci Géant Casino. Le 36-92 est le numéro pour discuter avec des hommes et des femmes, échanger vos numéros et pourquoi pas vous rencontrer. Le 36-92, le numéro pour réaliser tous vos projets, même les plus fous. Alors n'attendez plus, appelez dès maintenant le 36-92. C'est très simple et surtout rapide. Télone, 80 centimes d'euros la minute, plus prix d'un appel. J'arrive chez McDo, je commande un menu McFirst à 4,95€ et là, un groupe d'hommes habillés en noir m'attrape et me jette dans un taxi. On arrive dans un amphi où plein de profs à lunettes m'attendent pour que je réponde à une question genre quel est le sens de la vie? Non. Et alors? Bah, tu sais bien que je suis nulle en orientation. Tout un menu pour 4,95€. Forcément, vous êtes malin. Menu McFirst, c'est un sandwich au bœuf, au poulet ou au poisson, une moyenne frite et une moyenne boisson. Prix maximum conseillé. Sandwich à choisir entre bœuf ranch moutarde, poulet ranch ketchup ou poisson ranch. Pour votre santé, bougez plus. Freegun fait sa rentrée avec des centaines de fringues à prix canon. Sweat, t-shirt, casquette, parka, doudoune. Avec la nouvelle collection déjà en rayon et toujours tous les maillots et boxers pour un été trop stylé. Freegun, le choix sans se ruiner pour toutes les nanas et les mecs d'aujourd'hui. Freegun, dès maintenant sur le site officiel freegun.com et sur la page Facebook Freegun pour suivre tous les délires de la team Freegun Never Stop. Retrouve la ligne en exclu chez freegun.com et les points de vente habituels. Difool, radio libre, 21h minuit sur Skyrock. Yeah! Oh yeah! I'm gonna Pull it off and I'm gone. Then I go up before. Then I roll up, then roll up. Then I'm calling your whore. I need all this cash, I got hella keys. I'ma play dumb and get left in the middle. Bad the fuck up, you too little. Hit him with three like a miller. I don't talk to no man in the middle. I don't talk to no man, I'm just kidding. But I did pay my sister tuition. I feel like I should play the lottery. Walking out with it like Sonny Liston. Mama told me I'm her brightest star. Mama told me don't hate on the law. Because everybody got a job. Because everybody won't be a star. Real shit, real shit. Please believe every motherfucker right here won't be a boss. She gon' do anything in her power to be with your boss. Hitting the block, it don't bleed it. Throwing that rollie on you. I like the way you be breathing. J'ai le gland tout irrité. Difool. Écoutez Skyrock, ça me détend le soir. Cédric. Ah, c'était trop, j'étais tout seul, ma gueule. Marie. Bon, t'as vu la nana qui s'est brûlé l'anus, là, en faisant un P. Samy. Combien, Marie, la photo de Théens? Et Karim. Karim est là aussi, t'es prêt, ouais, Karim? Difool Radio Libre. Tous les soirs sur Skyrock. Ouais, c'est une bonne idée, ce spécial collector de ce soir, là. Ouais. D'ailleurs, je tiens quand même à me féliciter. Hein, ouais, on a retrouvé ce soir. Peau qui pue et tête de torture. Ouais, c'est vrai, bravo Difool. Ah ouais, bravo. Ouais. Après avoir retrouvé la gothique hier. C'est quand même moi qui venais s'y coltiner au téléphone. C'est ça. Bien. Alors, il nous reste les moments choisis par Karim. Ouais. Ils ont choisi les meilleurs moments de l'émission dans l'équipe. Ouais, pour eux. Hein. Le multi-appel de cette semaine. Ouais, c'est Bretagne. C'est vrai que c'était bien, ça reste drôle. Ouais, c'était bon. Donc, avant minuit, on se leur balance. C'est un double appel qui s'est transformé en multi-appel. On a appelé plein de voisins, c'était marrant. Ouais. Samy, toi, c'est Pamela. Ouais, Pamela. Ça, c'est dans un instant. Ah oui. Les pervers de Pamela. Ça, c'est bon. Et puis, Happy Marie, Momo. Ouais, notre Momo de grosses pensées. Alors, on va le retrouver tout de suite. Momo, alors on avait fait un petit truc avec Momo, parce qu'on le voyait rester la nuit, regarder les matchs de basket à la télé. Grave. Et on s'est rendu compte qu'il parlait tout seul. Ah ouais. Et là, on s'est dit, on va mettre un micro pour savoir qu'est-ce qu'il dit quand il parle tout seul. Ah oui, qu'on écoute quand même. Exactement. Oh, le sketch. Bon, ben, écoutez bien, c'est le moment choisi par la Marie. Oui. On a mis un micro espion dans la salle télé. C'est le micro caché. La salle télé de Skyrock avec Momo dedans. Écoutez bien, c'est pas Momo moi. Regarde un match de basket à la télé. Ah, il est tout seul. Non. Il est tout seul. Il est tout seul comme un pauvre gars devant sa télé. Aïe, t'as la possession le bas du match. Voilà, il est tout seul. Aïe, t'as la possession le bas du match. Le tien de rien, t'as la possession le bas du match. 10 secondes. Oui, on a compris, Momo. 10 secondes. Allez. Là, ça, c'est les vrais supporters qui encouragent. Allez. Non, oh non, c'est marrant, mais à chaque fois qu'ils soutiennent une équipe, il y a toujours des problèmes. C'est ça. Oh non, non. Oh là, non. Oh là là. Oh là là là là. Oh là là là. Oh là là là. Ah, ils rendent fou. Ils rendent fou. Trois points. Oh là là là là. Oh là là là. Putain, mais c'est un petit gros gros. C'est un peu, faut être comptoir. Oh là là là. C'est comme dans les bistrots, quoi. Tout un verre de blanc à la main. Ah non, mais c'est bon, là, ça me. Oh là là là là. Oh, tout un verre, tu ris. Mais viens, maman. Oh là là là là. Oh là là là. Oh là là là. Oh, que de déchets. Que de déchets. Putain, mais c'est quoi ces expressions de Jacques? Que de quoi? Que de déchets. Oh putain. Eh, hey, Momo, il est prêt à devenir commentateur sur France 2. Je vous le dis, on va le perdre, Momo. Ah, non, mais surtout, il va nous laisser. Hein. Il est prêt à être pilier de comptoir. Ah ouais, ouais. Ah ou alors pilier de comptoir. S'il est prêt, tu te mets dans un bar à côté de gros beauf avec le verre de blanc. Momo, il fait pas tâche. Mais moi, je le vois bien remplacer. Oh là là là. Tu sais, Lionel Chamoulo. Ouais, j'allais dire Nelson Mansour. Oui, Momo Chamoulo, on pourrait dire. Je vis le match au moins. Ah bah tu le vis, ça. Momo, il a vibré. Rentre chez toi, Momo, après le match. Allez, salut. C'est un mec de beau. C'est comme les mecs qui partent des bars, tu sais. Allez, salut, je rentre chez moi, là, je suis bourré. Remets le allez, salut. Allez, salut. Et voilà, bah, c'est un bon choix, Marie. Ça nous a fait plaisir. C'est bon de l'entendre. De retrouver Momo devant les matchs de basket. Ah ouais. Il faisait 2 mètres, hein, aussi. Ah oui, c'est clair. Il aurait pu être basketteur. C'est clair. Il aurait pu. Rugbyman. Ouais, aussi, ouais. Sumo. Bon, allez, on va parler. On va parler de la suite. La suite. C'est avec Armando. Alors, Armando qui est avec nous dans le 92. Salut à toi, Armando, à Levallois. Ouais, Diffoul, ça va ou quoi, toute l'équipe? Ça va. Un croix à Snap. Donc, je sais qu'il y en a plein qui nous l'ont envoyé. Le Snap de Skyrock, Skyrock FM, si vous voulez. C'est ça, ouais. Et donc, Armando, toi, t'es pratiquant. Moi, je fais ça avec des filles, voire avec mes potes et des filles, tu vois, on fait ça en groupe et tout. Et quand on est dans la vibe, quand on est dans l'ambiance. J'ai dit aux meufs, bon allez, pour Snapchat. Et là, on pose et on délire. Et... Alors, c'est-à-dire, t'es avec des potes, mais vous êtes combien à la maison? On a déjà fait moi et 7 de mes potes, donc on était 8 sur une meuf. D'accord, mais vous étiez tous à poil, la bite à l'air? Ouais, et on tournait. Mais 8 sur une meuf? Mais ouais. Elle avait très faim. Ah ouais, Et après, du coup, pendant l'ambiance, bah, je sors le snap. Qui snap et j'envoie à tous mes potes. On fait des concours en fait. C'est à celui qui baise le plus et après à la fin on donne des récompenses et tout, des gars. Non mais c'est comme par exemple si toi Romano tu vois, tu penches une meuf avec le belge. Non merci, non, ça va aller. C'est sympa Armando mais non. Non mais ça peut être délire hein. Après, non baiser avec le belge, non, je t'assure que je vois pas où est le délire. Ah moi j'ai cru que la meuf elle était sur Snap et que vous étiez ensemble et vous lui envoyez des snaps. Ah non. Ça m'est déjà arrivé une fois, j'étais bourré et j'ai envoyé des snaps à des meufs, des collègues à moi, des meufs. Toi à poil? Ouais, mais elles ont pas forcément kiffé, tu vois. Ah bah, ça dépend des collègues. Non mais ouais, ça peut les choquer. Mais c'est à quoi perdre ton taf, ça? Ouais, elles ont un peu halluciné. Envoie ça au patron ou à la patronne. C'est un dix ça, lui. C'est pas mal. Non, c'était avec des collègues de la fac, c'était des étudiantes. Ça va. Non mais toi, Cédric, ça t'est jamais arrivé, vu que t'es celui qui Snapchat le plus. Ouais. Dans l'équipe. D'envoyer un truc à ma mauvaise personne, quoi. Non, mais moi, je montre pas ces trucs. Genre, par exemple, une photo de ton truc que tu vas envoyer à Mario. À Mario. Oh là, regarde comme il est gros. Oh là, j'ai un gros trou du cul. Et là, tu te trompes, tu l'envoies à ta mère. Non, mais moi, j'en. Oh putain. Non, mais déjà, ma daronne, elle a pas Snapchat. Ah bah, heureusement. Bah ouais, pour voir des trucs pareils. Elle serait choquée. Ouais, je pense que ouais. T'aurais honte? Bah ouais, j'aurais super honte. Putain, je suis genre la honte de ma vie. Ah, franchement, ouais, la honte de ma vie. Ouais. Ah, putain, j'aurais honte. Oh là, maman, c'est faut faire attention, faut faire attention. Mais moi, c'est pour ça, il n'y a pas de Snapchat de ma bite, de meuf que je suis en train de baiser, machin, ou de me faire sucer, ça marche pas, ça. Moi, non, pas trop, tu vois. Pas des zooms sur la E. Que soit tu vois la situation générale. Ouais, on te voit sur la meuf, ou si elle en levrette, on te voit derrière, oui. Ouais, moi, j'ai une copine, je t'ai dit. Moi j'ai une copine poteau, une fois sans faire exprès, en fait elle voulait envoyer à son plan cul une vidéo où elle est en train de se toucher pour le chauffer, le mec il lui a envoyé sa bite apparemment, elle a voulu répondre plus tard, Et en fait, au lieu de l'envoyer à lui, je sais pas pourquoi, elle m'avait au téléphone juste avant. Et en fait, le truc, elle me l'envoyait à moi. Je crois que le pire, ça c'est les parents. Ah ouais, putain. Ouais, ça c'est pire, ouais, quand même. T'imagines tes parents, ils tombent sur ton Snap. Ah non, mais c'est horrible. Ouais, putain. Ah ouais, là, t'es content que les parents. T'es content qu'ils aient pas Snapchat, en fait. Ah ouais. Tiens, on nous dit Snapchat, c'est dangereux. Faites attention, il m'est déjà arrivé d'envoyer une photo de moi bourré à ma tante. Qui était dans mon. Ah ouais. Si la tante a Snapchat. Enfin, Snapchat, ça va, parce que c'est pas trop les darons, tout ça, ils ont pas ça. Ouais, non, pas encore. Ouais, ouais, pas encore. Hamza, qui nous dit, voilà, génération sacrifiée avec son Snapchat. Starfalla. Et non, mais hier, comme disait Cédric, tu sais, tu peux toujours avoir des mecs qui refilment avec un autre téléphone, bah ouais, qui gardent des vidéos, tu sais. Il y a une application, en fait, tu peux conserver, ouais. Tu peux enregistrer la vidéo, ouais, que tu t'envoyer sans que lui voit que toi, tu l'as même vu, la vidéo. Ah ouais, non, faut faire gaffe, hein. Ah ou ouais. Après, c'est un cercle fermé, tu vois, on est une bande de. Allez, on est une dizaine de potes, on se connaît depuis l'enfance. Ouais, c'est des mecs de confiance, c'est très bien qu'ils vont pas aller balancer le truc à n'importe qui. Ouais, et puis moi, je leur envoie des trucs, eux, ils m'en envoient aussi, tu vois, donc. C'est dossier commun. Ouais, ouais. Oui. Mais c'est clair que si t'envoies ça à n'importe qui, faut faire attention, hein. Aïe, Nel qui nous dit attention. Même par rapport au boulot et tout. Ouais, bah tiens, ma mère a Snapchat. Attention. Aïe, Nel. T'as la daronne, elle est moderne. Fais gaffe. Un SMS destiné à mon ex, je me suis trompé, c'est ma mère qui l'a reçu. Dur, MDR, nous dit mec en or. Ça dépend de ce que tu dis dessus, quoi. Salut, mec en or. La seule désintox pour Léa, du problème du mois, c'est de supprimer son compte. Message de Copocha. Salut Copocha. Après, elle a quand même un délire spécial. Oui. La meuf, elle prend du plaisir à ça, quoi. Non, mais ouais. elle exhibe. Délire, entre nous. Elle exhibe version Snapchat, quoi. Ouais, en fait, c'est comme si toi, en fait, t'envoyais des trucs à une meuf, qu'elle te renvoyait des trucs et tu te branlais dessus. C'était jamais arrivé, ça, Armando. Ah non, ça non. Nous, c'est vraiment le délire quand on est tous ensemble, en groupe, à faire ça. On déconne, on prend ça pour kiffer, quoi, pour délirer. Mais pour. Enfin, non. Poser tout seul comme ça et envoyer à des meufs. Ouais, ça fait bizarre, toi. Putain, mais les mecs de Snapchat, ils doivent avoir un nombre de bits et de chats dans leurs données. C'est un truc de ouf. Bah, y a que ça. Ah, mais c'est un truc de ouf. Hein. Ah, c'est que ça. Mais c'est un mec qui a. Ah, y a un seul mec qui a ça. Ouais. Et sa meuf, il a branlé. Sa meuf, là, c'est le mannequin Miranda Kier. Miranda. Même si c'est les couples à distance et tout, ils entretiennent leur relation un peu via Snapchat. Ouais. Bon bah écoute Armando, je vois qu'on s'éclate, tranquille. Bon Snapchat. Bonne Snapchat. Snapchat. Et une adepte de tous les réseaux sociaux. Ah oui, c'est la voici, la voilà, c'est Pamela. Ah oui. Elle est blonde ou brune. Son sein gauche fait 85A et le droit 95E. Elle n'a que 3 doigts. Elle travaille dans la mode. Enfin, elle est modéliste, quoi. Pamela. Le moment le plus sensuel de l'émission. Et ouais, maintenant, depuis cette année, Pamela drague en live dans l'émission. Ouais, je vais sur des chats, des réseaux. Ouais. On drague et après je les appelle en direct juste derrière. Voilà. Et les nouveaux auditeurs de Skyrock se demandent mais qui a cette si belle voix? Est-ce qu'on peut la voir? Ouais, on peut vous la mettre en photo sur tous les réseaux de Skyrock si elle vous voulez. Elle est belle. On peut vous la mettre sur Snapchat, on en parlait il y a un instant. Snapchat, allez-y. Ouais. Voilà, sur difool.skyrock.com, elle y est déjà. Mettez-moi partout. Hein. On la met partout, Pamela. Et alors là, Pamela, c'est un petit rendez-vous que tu avais eu avec un Philippe. Ouais, avec un Philippe sur un chat. Ouais, c'est Samy qui a choisi ce petit moment. C'est gentil. C'est un Pamela collector qu'on peut appeler. Philippe, on l'avait branché sur un petit chat tranquille et puis hop, j'étais transmis le numéro, puis Pamela, t'as fini le travail. Ouais. Eh ben voilà, je l'ai terminé le Philippe. Allez, bah c'est parti, chez Philippe tout de suite. Allô? Oui, Philippe? Oui? Oui, bonjour. Bonjour, ça va? Ça va et toi? Oui, ça va bien, oh putain, oui. Oh, t'es déjà en train de te branler, toi. Hein? Oui, je me branle, oui. Ouais, t'es d'où, toi, Fifi? Moi, je suis de Paris. Ah, bah c'est bien ça, moi aussi, tu sais. Ah oui. On n'est pas loin, je suis dans le deuxième. Dans le deuxième, ah oui, d'accord. Oui. Vers le Forum des Halles, tout ça, là. Ah, d'accord, oui, moi, je suis à Boulogne-Billancourt, moi. Ah, bah, c'est parfait, ça, moi, je connais bien, ouais. Ah, et tu connais. Ouais, Marcel Samba et tout, le métro. Ah, ouais, putain, mais t'es à poil? Ah, ouais, je suis sur mon lit, là, je suis complètement à poil. Complètement à poil? Oh, putain, tu me fais bander comme un salaud. Ah! Oh, putain. Moi, j'aimerais bien que tu te branles très, très fort et très, très vite. Ah, oui, très fort, oui. Ah oui, j'aime branler pour toi. Ah vas-y, je t'écoute. Et ah, dis-moi des choses cochonnes. Ah oui, salaud, oui. Ah. Putain, j'aime ton cul. Ah ouais, vas-y. J'aime ton cul, j'aime ta chatte, là. Ah, je vais t'enculer comme une putain. Ah ouais. Ah ouais. Vas-y, sois vulgaire. Oui, hein. Ah. Et dis donc, il y a un homme à côté de toi? Ah non, c'est la télé. Ah, c'est la télé. Ah. Oh putain, salope. Oui, je suis ta salope. Putain, mais t'es ma putain, vas-y, hein. Et toi, Philippe, t'es mon enculé. Ah oui, je suis ton enculé, je suis ton salaud d'enculé, là. Ah oui, tu aimerais que tu m'aimes enculé? Tu aimes bien, toi? Ah, j'aime bien, oui, aussi, oui. Un doigt ou plus? Plusieurs, oui. Plusieurs doigts, bah nickel, je peux t'en mettre 3 ou 4, hein. Ah oui, vas-y. Vas-y. Asie. En Asie, oui. Ah, je suis demain. Ah, j'adore, ah, j'adore. Allez. Ah, j'adore. Ah. Ah, oui, c'est bon. Tu es en train de te doigter l'anus? Ah, oui, vas-y, oui, je me doigte l'anus, oui. Ah, oui. Oh. Oui, non, mais je vais t'enculer, moi aussi, tout à l'heure. Ah, tu veux écouter mon anus? Oh, oui, vas-y, vas-y, oui. Ah. Oui, oh, oui, c'est bon. Ah, hein. Je te pète dessus. Je te pète dessus, petite salope. Hein. Ah, sale chienne. Attends, viens me sucer, maintenant. Attends, je pète en attendant, moi. Viens me sucer, je te dis. Ah, je suce. Viens me sucer. Ah, oh, t'as une bonne queue. Oui. Oh. Ouais, mais tout ça, c'est enregistré, ça. Ah, c'est enregistré. Non. Mais c'est non, c'est pas enregistré, là, je te parle. Ah, tu me parles bien, là. Oh. Oh, putain, salope, vas-y. Ouais, salaud de Philippe, ton culé de témoin. Oh, oui, je suis culé, vas-y, insulte-moi aussi. Il a bien te insulter aussi, là. Ah, ah sale ben... chienne de Philippe. Oui, oui, vas-y, hein, tu veux que je fasse la chienne? Ah oui, jappe. Allez, ah oui, vas-y, je suis à quatre pattes. Je suis à quatre pattes, là. Ah ouais. Je suis à quatre pattes pour la chienne, à là. Bois, à bois. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Ah, t'as pas l'air d'un con. Allez, fais entrer un homme. Qu'est-ce qu'il y a? Fais entrer un homme, je te dis. Attends, j'ai un copain qui est dans le coin. Ah, t'as un copain, fais-le pour qu'il m'encule. Je suis en train de masturber, là. Ah oui? J'ai pris ma belle boîte, puis j'ai une bonne mythe, là, bien. Ah oui? Allez. Vous avez envie de vous m'assurer un petit peu, non? Allez, bye. Patrick. J'ai des godes. J'ai des godes. Tu termines par j'ai des godes. Tu fais chier, Patrick. Ça fait fuir. Patrick, ça fait fuir le pervers Philippe. Ouais, ça marchait bien. Bah oui. Et voilà. Ah, je l'avais emballé, quoi. Ah ouais. Bon, Pamela, de retour en live, évidemment, dans l'émission. Yes. Très bon choix. Quand vous voulez. Il nous reste le choix de Karim à écouter. On a choisi tous un moment d'émission qu'on aimait bien. Karim. Mais si. Toujours du temps pour les familles. Le double appel chez les voisins bretons qui s'est transformé en multi-appel. Ouais, c'était énorme. Je sais pas, il était 4 sur la ligne. Ouais. Donc 4, 5, je sais plus. Donc on va les retrouver avant minuit. C'est promis, loupez pas le rendez-vous. C'est super en plus. Alors, pour la suite, ah oui, on va retrouver Pierre. Alors, Pierre à La Rochelle, 16 ans. Eh ben, salut Pierre. Ah. Pierre. Bonjour, bonjour Pierre. Ouais, Pierrot. Salut, ça. Eh, écoute ça, pas mal. T'es à La Rochelle et t'as 16 ans. Salut. Tu sais que Romano est un peu Rochelais dans le cœur. Ouais, ouais. T'aimes bien cette ville. Ouais, parce que j'ai des potes là-bas. Donc, non, non, vous savez pourquoi il aime bien? Parce qu'il y a un bar super, il paraît là-bas. Non, il y en a plusieurs. Mais si ton bar qui est ouvert de 5 à 7, là. Non, mais non, de 16h à 20h. Tu connais la rue Saint-Nicolas, la rue où il y a tous les bars, là, Pierrot? Ouais. Moi ouais, je connais Nicolas où ils vendent du vin. Ouais, il y a ça, ouais. C'est super ça. Non mais souvent dans beaucoup de villes, il y a une rue où il y a plein de bars. Et à La Rochelle, c'est la rue Saint-Nicolas. Et dans cette rue, il y a un bar qui s'appelle La Guignette. Ouais. La Guignette, je connais pas. La Guignette, eh ben, c'est ouvert de 16h à 20h. Et c'est que du vin blanc. Pour démonter la gueule. Bah vas-y, faire un tour. Je connais Romano. Ah je suis, non mais me connaissez pas. Il faut un prix, il faut un prix. Il faut 30 euros. Ouais, il faut payer toutes les notes qu'il a pas réglées quand il est parti de La Rochelle. Non, non, j'y étais allé. Non mais sinon il y a la. Ah vous connaissez Romano? Ah d'accord, ok. Sinon il y a la cervoiserie, ça c'est un bar à bière. Ça c'est à Beaulieu. Ouais, ça je connais ça. Ouais. À Beaulieu, c'est ça, ouais. Ouais. Dans la zone commerciale de Beaulieu. Mmh, et a priori, il y a un nouveau truc qui s'appelle la mousserie. En fait, tu connais tous les bars de La Rochelle, c'est ouf. Non, mais j'ai des potes qui picolent et à chaque fois que je les vois, ils m'en mettent là-bas. Mais c'est vrai que c'est sympa, ces endroits. Le TripAdvisor des bars. Le TripAdvisor des bars. C'est ça, ouais. Ouais. Exactement. Il a tous les nouveaux bars, tous les vieux bars. Donc, bienvenue. Les horaires, tout. Tout, ah, tout, je connais les tarifs, endroits, les prix, surtout les prix, ouais. Bon, salut à tout La Rochelle. Alors Pierrot, toi tu nous appelais, c'était pour quoi, dis-nous. Eh bien enfin, ma copine, si vous voulez, je suis avec elle depuis pas beaucoup de temps, une semaine ou deux. Mais je suis sorti, je la connais depuis tout petit. C'est quoi, c'est une amie d'enfance ou c'était une nana que t'as connue tout petit, t'as perdu de vue et puis tu es ressorti avec elle? Ouais, je suis sorti trois fois avec elle, mais on s'est toujours perdu de vue en fait. Ah, trois fois t'es sorti avec elle? Ouais. Ah ouais. Mais des petits temps, une semaine, deux semaines. Ah bah voilà. Dépêche-toi là, parce que t'en es déjà au bout d'une semaine et demie. À mon avis, c'est bientôt fini ton histoire. Non, je pense pas. On a grandi depuis le temps. Mais donc il y a plein de mecs qui la kiffent et tout ça, et elle est toujours avec. Elle répond pas au téléphone quand elle est avec eux, et moi ça m'inquiète un petit peu quoi. Mais il y a plein de mecs, mais elle se tape pas plein de mecs quand même. Elle est entourée de plein de mecs quoi. Ouais, voilà, entourée de plein de mecs et tous. Tous ces mecs-là, ils veulent se la taper, quoi, donc. Ah, elle a du succès. C'est comme Marie, pareil. Ouais, ouais. Un rêve, en fait. Marie, bonjour à tous les buveurs de la Guignette. Le nombre de messages qu'on a reçus, c'est ouf, ça. Ah, non, mais c'est un endroit, quand t'es à La Rochelle, c'est mythique. Ah, ouais. Mortel, ah ouais. La guignette. La guignette, c'est parfait pour avoir du blanc sirop, nous dit Jayco. C'est quoi le blanc sirop? Non, mais sirop en fait, la base. Ah, du blanc avec du sirop. Leur spécialité, ce qu'on appelle les blancs limés, en fait, c'est des blancs. Limés, mais comme ouais. moi. Ouais, c'est ça. C'est des blancs, en fait, qui sont coupés, par exemple. Non, c'est pas mauvais. Tu sais, par exemple, c'est blanc pomme, blanc framboise. La guignette, bien connue des Rochelais. Et en fait, ils ont une machine pour. Et franchement, c'est grave bon. Salut à Paul qui est allé à la guignette. Ouais, ils ont un truc. Et en fait, c'est un ancien bar de marin, donc tu bois sur des tonneaux et tout ça. Bon, c'est route ça comme endroit, mais c'est sympa. C'est la guinguette. C'est la guinguette. Et ils ferment à 20h parce qu'en fait. Les gens sont raides. Non, mais en fait, ouais, a priori, ils ont eu des problèmes. Les premiers temps où ils étaient ouverts, ils ouvraient toute la journée. Et le truc qu'il y a, c'est qu'il y a des gens qui sortaient de là-dedans, ils étaient complètement décabanés. Ouais, le taux d'alcoolémie à La Rochelle est monté très haut. Donc maintenant, c'est 16h-20h, pas une minute du plus. À 20h, ils sonnent la cloche et tout le monde dégage. De toute façon, à 20h, ils sont tous pétés, là. Ah, ouais, c'est clair. Bon, ben, salut Kira aussi du 17. Salut tout La Rochelle. Salut La Rochelle. Donc en fait, c'est une meuf qui a du succès, mais bon, elle a une bande de potes parce qu'elle préfère être avec des mecs qu'avec des filles. Ouais, ça bon, ça après, ouais, voilà, c'est des potes. Ils sont combien, les potes? 9 en tout de ce que je sais. Ah ouais, donc elle est dans une bande de 9 potes. Et il n'y a que des mecs à part elle. Ouais, voilà. Mais c'est quoi, tous les mecs qui veulent la serrer, tu crois? Ouais, c'est ça. Ah ouais. Pas mal. Ouais, j'ai une copine qui est comme toi, elle aime pas les filles, donc elle préfère être avec des mecs. Moi, ma meuf, après, ce qu'il y a, c'est qu'elle se bat avec toutes ses potes, donc elle aime pas les filles. Donc du coup, elle reste avec des mecs. Non, mais moi, bon, tu vois, par exemple, ma meuf, elle préfère être avec des mecs qu'avec des filles. Ouais, c'est clair. Bah, voyons avec qui elle est entourée. Romano, ça se comprend. Ah bah ouais, attends, les beaux gosses. Ouais. Et en fait, par contre, moi, ça me ferait chier que tous les mecs qui traînent avec elle, je saurais qu'ils voudraient se la taper, ça me foutrait un peu la rage, quoi. Ça fait chier. Non, mais tu peux avoir des potes. Elle peut avoir des potes, mais ouais. Si tu sais pertinemment que les mecs, ils attendent la moindre occasion pour la ken. Bah, surtout, c'est hyper avexant et c'est irrespectueux pour toi. Ah ouais, moi, ça me casserait les couilles, ouais. Oui, c'est vrai, c'est ta meuf. Par exemple, je suis resté une journée là avec elle samedi, là. Ouais. Et avec un de ses potes qui était en kiff sur elle, mais il savait pas qu'on sortait ensemble. Et à un moment, quand elle faisait à manger, le mec, il passe derrière et il touche le cul, quoi. Donc. Enfin, ouais, quoi, dans mon cerveau, je voulais le prendre, quoi. T'as entendu, Cédric a fait. Ah, moi, j'aurais fait. Parce que Cédric est le spécialiste des mains au cul qui se balade. Ah, ben moi, je me serais. Moi, j'aurais. Avec fait ça à ma meuf. Gros, je l'étrangle, moi. Non, mais je l'étrangle. Non, mais peut-être pas à ce point-là. Mais si, c'est ta meuf. C'était le meilleur ami de. C'est son meilleur ami, donc. On a la foutre. Non, mais bon, tu peux. Le mec, tu peux lui faire. Liberté, là. Tu peux lui faire savoir que c'est ta meuf et que t'es break, qu'il évite de lui mettre des mains au cul. Oui, parce que c'est le cul de ta meuf. Donc oui, c'est un peu ton cul aussi. C'est mon cul. Moi, je l'étrangle. Tu lui dis, c'est mon cul. Je l'étrangle, coup de casserole dans la gueule. Voilà. Et je lui mets le manche dans le cul. Non, mais j'ai rien à parler avec le mec. Tu es ta race. Cédric est très, très énervé. Bah, non, mais en même temps, il y a de quoi. Si tu dis rien, c'est la meuf qui réagit, quoi. Alors, la meuf aurait dû réagir. Après, sur ce coup-là, elle a pas réagi, mais après, quand le mec essayait de faire des papouilles, elle a réagi. Elle voulait lui dire, vas-y, arrête. Là. Quand il a touché les seins, tout ça, ouais. Ouais, il y a Baboune, on n'est pas trop. Non, quand même, c'est des limites. Quand il lui a enlevé sa culotte. Bon, là, elle a réagi. Non, arrête, il y a Pierre à côté. Ouais, arrête. Peut-être entre les seins. On a dit, on partage tout entre potes. Ouais, pas tout. Ah non, ouais, mais non, mais quand même, il y a des limites. Mais pourquoi ça? Mais Pierrot, t'aurais dû ouvrir ta gueule, tu sais, pas forcément agresser le mec. Je lui ai dit après, entre casse je lui ai dit un petit peu, arrête, elle a pas trop envie, quoi. Mais... Ah non, mais moi je lui aurais dit cash, j'aurais dit ouais, arrête, mais écoute, c'est ma meuf. Ouais. Mais bon, c'est son meilleur ami, elle m'a demandé de faire, c'est très bien, quoi. Alors, comment vous réagiriez si vous aviez vécu ça? Moi, je rentre à la maison, son meilleur ami, il est en train de pétoter le cul, mais le mec est meilleur ami ou pas, il est en brouille. Hein. Bah ouais, mais c'est comme si moi je pétais cuisine, ça t'énerverait. Bah ouais, c'est clair. Bah voilà. Tu ferais quoi? Je te mettrai une droite. Moi, je t'étrangle. Je t'étrangle. Déjà, t'es pas respectueux de faire ça. Moi, j'aurais niqué sa mère devant tout le monde pour me faire respecter. C'est ce message de Romano Lescro. Salut à toi, Romano Lescro. Prends tes couilles et ouvre ta gueule, nous dit Piute du 80. Non, mais c'était sur le moment. Moi, j'aurais dit au mec, mais qu'est-ce que tu fais, là? Ah, mais surtout elle, quoi. Bah oui, non, mais elle dit rien. L'autre, elle est en train de cuisiner. Elle se fait tripatouiller le cul. Ah, putain, arrête. Ah, vas-y, arrête, il y a Pierre. Ouais, mais ça, c'est encore pire. Ça te dit arrête, il y a Pierre. Ça veut dire que quand t'es pas là, arrête, il y a Pierre. Ouais, non, quand même. Arrête, il y a l'autre, il est là. Oh, putain, ouais, il est là. Surtout qu'elle a confiance en elle, mais pas envers les mecs, quoi. Ouais, mais bon. Ouais, ouais. Après, c'est à elle aussi de stopper les mecs. Bah, oui. Mais pour elle, tu vois, c'est quand même. Tu sais, si se fait petit cul par les 9 mecs. C'est des copains. C'est horrible. C'est pas le top, quoi. Ah ouais, bah tu passes pour une fille facile. Ouais, c'est clair. Et puis toi, pour un con. Ne jamais se mettre avec des meufs qui ont déjà un mec comme meilleur ami, c'est source à problème, nous dit Nimoy, qui a déjà dû vivre ça. Ça, c'est vrai. Souvent, les meufs, leur meilleur pote, c'est un ami, c'est un pote, tu vois, c'est un ami. Non. Ça dépend, non, non. Les meufs, elles sont bien souvent avec les mecs. Ouais, ouais, non. Bah, ça me casserait les couilles. Je sais pas. Non mais à ce point-là, oui, t'attends, oui, son meilleur ami qui lui touche le cul, oui, forcément, ça te casse les couilles. Hein. Ouais, bah moi, c'est bizarre. J'avais la petite sœur de ma copine dans les bras, donc je pouvais pas rien, enfin, je l'ai posé. Bah, mais lâche tout sur le mec. Tu jettes le gosse, oui. Ouais, ouais, ouais, tu apprends ça, connard. Un missile, bam. Moi, je l'étrangle. On nous dit, comme Cédric, bien vu ton message, CAD, sur le 41759 du 93. Bonjour, CAD du 93. Ouais. Cyril le routier lui coupe la main. Meilleur ami ou pas, moi, c'est mon point. Aussitôt dans la face, nous dit Kira du 17. Momo de la gare, le mec, je l'encule sur place et sans vaseline. Non, mais de toute façon, le fait qu'il soit meilleur ami, c'est pas l'excuse pour qu'il touche ta meuf. Ah quoi. Non, ça, c'est clair. C'est pas, moi, ouais. J'ai des potes, c'est pas pour autant que je leur mets des doigts dans le cul. T'es d'accord avec Carmelo Romano qui nous dit, meilleur ami ou pas, moi, je fais comme Cédric, je l'étrangle. Ah mais moi je mets le truc à l'envers, mais moi je m'embrouille avec ma copine. Ah non mais moi, de toute façon, moi déjà, le mec, je le vois, il tape une main au cul devant ma meuf, déjà si elle réagit pas, ça me fout à bout quoi. Ah oui, et oui, sur le, et sur le moment direct, mais il y a sur le moment je suis une réflexion quoi. Et tu t'embrouilles avec le mec, tu te dis qu'il... Ah mais je m'embrouille avec les deux, moi je m'embrouille d'abord avec la meuf. Ah bah non, mais t'embrouilles avec les deux. Oui, si tu dis le truc sur le moment et si la meuf elle réagit pas, tu lui dis mais tu fais quoi, salope. Ouais. Salope. Après, je lui ai parlé, elle m'a dit que. Enfin, voilà quoi. Mais, jamais le cul qui me grattait. Elle t'a dit quoi, ouais. Ça m'a fait bizarre quoi. Elle me dit, ouais, t'inquiète pas, j'ai le GRT avant. Ce qui était vers 21h, 20h, ouais. J'ai le GRT. Non, mais déjà, on avait marre. Il fait chier tout le monde, la petite sœur. Mais c'est vrai que le truc relou, c'est que toi, t'es avec ta meuf et t'as un espèce de type là qui est en plein milieu. Vous êtes trois, mais lui, il a rien à faire dans votre histoire au final. Ouais, voilà. Mais je pouvais pas l'embrasser de la journée, rien du tout quoi. Parce qu'il était là quoi. Bah, parce que le mec, il tient la chandelle en fait. Bah, ouais. Parce que le mec, en fait, il est en kiff sur elle depuis combien de temps? 8 mois, vers 8 mois, quoi. Bah justement, moi, j'en aurais profité, j'aurais roulé des pelles, mais un tir à rigot. J'aurais passé l'après-midi à mettre ma langue dans sa bouche. Non, mais déjà, pourquoi à la base, tu dis pas à ta meuf que ça te fait chier qu'il y ait ce mec-là ou les autres quand vous êtes tous les deux? Je lui ai dit, mais elle m'a dit que ça se reproduira plus. J'aurais dit, écoute, les mecs qui veulent te sauter, si tu pouvais éviter de les amener qu'on est ensemble, ça m'arrangerait autant. Ma meuf, oui, voilà. Et puis peut-être éviter qu'ils te touchent le cul aussi. Ouais, parce que déjà, quand je suis arrivé, en fait, il était déjà là, donc. Ouais. Colonel Abdoulaye dit, moi, je lui coupe la main et je lui rentre la main dans le cul. Alors, Patrick Latrix, c'est 20 ans, là, qui nous dit, moi, je lui coupe la bite et je lui mets dans la bouche. Alors, va falloir choisir, quoique, tu peux lui mettre une bite dans la bouche et une main dans le cul. Aussi. J'ai envie de tout couper, là. Merci, Patrick. Non, mais faut te faire respecter. A priori, t'as fait ce qu'il fallait, puisque tu en as parlé à ta meuf. Maintenant, mais après, donc, on a passé la soirée ensemble, il est parti, lui, il en avait marre, Et après, ça s'est bien passé. Encore heureux. Ouais, ça s'est bien passé, mais, ce qu'il y a, c'est que depuis, là, c'était, samedi. Donc après elle répond plus trop au téléphone quand avec des mecs, hier soir elle était sortie, elle m'a pas répondu au téléphone. Ah ouais, elle est un peu ouais. Bon, faut lui laisser aussi la liberté de voir ses gars. Ou alors lui trouver un meilleur ami gay. C'est qui cette bonne idée, la Bab sur SMS? Ouais, mais ça c'est pareil. Ouais, moi ça me rouffe. Très bien quoi. Ici la meuf elle passe une soirée avec des mecs et de la soirée entière t'arrives pas à la joindre une fois. Ah moi ça me rend ouf. Ça rend dingue. Ah ouais. Pourquoi tu fais pas venir une copine? Je traite sur son répondeur. Je lui dis, tu vas répondre, espèce de connasse. Ah non, mais c'est sûr. Et pourquoi tu trouves pas une meuf qui vient te tripoter le cul quand elle est là, toi aussi? Ah bah ouais, c'est une amie, elle me tripote le cul, c'est sympa. Ouais, j'ai demandé à une pote de me tripoter le cul, non, quand même. Bah pourquoi pas? Bah, c'est agréable, tu sais, j'adore me faire tripoter le cul. Tu le montres que c'est désagréable? Que quelqu'un te touche le cul alors que c'est ta meuf. Ouais, mais c'est qu'elle est capable de piquer une crise de jalousie parce que j'ai regardé une nana sur la télé, quoi. Ouais, mais donc, fais-toi respecter parce qu'en l'autre, elle te fait une crise de jalousie parce que tu regardes une meuf à la télé et par contre, elle se fait tripoter le cul par son meilleur ami. Elle dit que c'est normal. Ouais, parle-lui, dis-lui, hein. Oui. Bah, quand elle me répondra au téléphone, j'essaierai de lui parler, mais. Ah ouais, mais ça, le problème, c'est qu'avec toi, elle a compris qu'elle pouvait tout se permettre et que tu ne sais rien. Par le bout du nez. Parce que le truc, c'est que tu peux pas parler au mec en lui disant t'arrêtes de toucher ma meuf. C'est à elle de parler. C'est ridicule, quoi. Non, mais sur le moment, moi, je parle aux deux. Il y a embrouille. Soit avec les deux. Ça, ma meuf, déjà, je lui dis, ça va, tranquille. Tu réagis pas. Et le mec, je lui dis direct, je lui fais, ouais, je pense que t'avais pas compris, mais c'est ma meuf, en fait. Ouais. Ouais, donc, si tu recommences, je peux être très méchant. Méchant. Qu'est-ce que c'est que ce message-là? Masca qui nous envoie un message et qui dit Didi Foul, pour te traîner par le bout du nez, il faut prendre un camion. Ah oui, ça c'est clair. Non, mais c'est vrai, elle a. Voilà, c'est ton dernier message que tu viens de nous envoyer, Masca. Merci pour ton dernier message que tu as envoyé à Skyrock. Tu es banni de tous les services. Voilà, merci. Merci, Masca. Non, mais fais-toi respecter, c'est vrai qu'elle te respecte pas. Oui, direct. Mais bah après, quand il est parti, le mec, je lui ai parlé entre quatre yeux, je lui ai dit, ça c'était la première, la dernière fois, la prochaine. Ouais, puis maintenant elle te répond plus, et puis après elle passe le lendemain une soirée avec ses potes. Ouais, ouais, c'est bizarre. A priori, ton coup de pression, ouais, il a marché moyen sur elle. Hein. Ouais, fais-toi pas rendre trop con. Trop bon, trop con, ouais, tu sais, Pierre. Pas, ouais. Non mais la première fois qu'elle appelle, la prochaine fois qu'elle appelle, tu dis ouais je suis avec des copines, je te rappellerai. Je suis en train de me faire sucer elle là. Touche le cul, attends, je te rappelle. Non, tu dis je suis avec des copines, je te rappelle plus tard. Salut. Le dard, là. Ouais. Ah mais tu sais ça. Ouais, tu lui fais. Il fout de la gueule, il fout. Et tu l'as fait mariner. Quoi. Bah tu lui fais subir ce qu'elle te fait subir à toi. C'est aussi. Ça. Peut-être qu'elle comprendra. Mmh. Bon bah écoute, Pierrot, bon courage. Ah ouais, bon courage. Mmh. Et te laisse pas faire. Et te laisse. Et oui, surtout te laisse pas faire. Et ouais. Et puis bonjour à La Rochelle donc et ah, à ouais. La guinguette. Non, la guinguette. Ouais, et La Rochelle vous dit bonjour. Et La Rochelle nous salue. 102 FM La Rochelle. Pour écouter Skyrock. C'est ouais. La fréquence. Bisous. Ouais. Bah, bisous à tout le monde. Salut Pierrot, bon courage pour la suite. Et hein. Je peux avoir un petit cadeau quoi. Ouais, on va t'envoyer un t-shirt Skyrock collector. Ouais, c'est ça. Trois modèles au choix. Trois modèles au choix. 1 2 3, 1 2 3 models. Bah le 1 alors. D'accord, ok. Ah, ok. On ne sait pas trop quel est le 1, le 2 ou le 3. Mais on n'a pas attribué de numéro, mais bon, le 1, le 2 ou le 3. D'accord, ok. Bah, celui qui arrivera chez moi, ce sera très bien. Eh ben, c'est parti, Pierre. Merci à toi, Pierre. Bon courage pour la suite. Hein. Allez, merci. Salut, Pierrot. Salut, Pierrot. Salut. Ciao. Salut. Pas facile, les histoires bisous. D'amour. Hein. Moi, non. Ouais, moi, je voulais saluer l'inconnu qui nous a pas laissé son pseudo, mais qui dit moi, je suis célibataire et parfois, ça fait du bien. Eh ben écoute, quand on entend certaines choses, c'est vrai que le célibat parfois ça a du bon. Pas faux, mais pas trop longtemps. Et je dirais même, il vaut être mieux seul que mal accompagné. Non, c'est pour rassurer tous ceux qui galèrent et toutes celles qui galèrent. Ouais. Voilà, ouais. Ça fait toujours du bien. Dans un instant, on va résoudre un problème et on va retrouver le super double appel. Ah ouais, les voisins bretons, ne le loupez pas celui-ci. Ah oui, ça va être bon. C'est juste après Alonso. Ah, Alonso qui arrive tout de suite. C'est Binta Binta. Ah, l'autre qui danse et tout. Vas-y, Romano danse. Blabla. C'est vendredi soir, on en profite. Ah oui. Radio libre jusqu'à minuit sur Sky. Skyrock débarque sur Deezer. Sky. Il t'offre ton abonnement premium plus d'un an. À Deezer. À toi, la musique gratuite et illimitée en haute qualité audio sur ton mobile, ta tablette et ton ordinateur. Sans publicité. Avec la possibilité de télécharger toute ta musique préférée pour l'écouter hors connexion. Okay. Écoute Skyrock à tout moment et gagne toi aussi ton abonnement Deezer Premium Plus. Merci beaucoup. Deezer, la musique que vous voulez, partout, tout le temps. Skyrock. Retrouve aussi Skyrock en HD sur l'appli Radio Skyrock et Skyrock.fm ou à la radio dans ta ville. Tout l'été, Géant Casino t'a fait vibrer au rythme du Brésil en mode barbecue fiesta. Aujourd'hui, Géant Casino félicite Nicolas, Géraldine, Emmanuel et Pauline pour avoir gagné le concours du plus beau barbecue de l'été. Leur récompense, 8 jours de fiesta au Brésil, tout frais payé. Merci Géant Casino. Le 3692 est le numéro pour discuter avec des hommes et des femmes, échanger vos numéros et pourquoi pas vous rencontrer. Le 3692, le numéro pour réaliser tous vos projets, même les plus fous. Alors n'attendez plus, appelez dès maintenant le 3692. C'est très simple et surtout rapide. Télone, 80 centimes d'euros la minute plus prix d'un appel. Freegun fait sa rentrée avec des centaines de fringues à prix canon. Sweat, t-shirt, casquette, parka, doudoune. Avec la nouvelle collection déjà en rayon et toujours tous les maillots et boxers pour un été trop stylé. Freegun, le choix sans se ruiner pour toutes les nanas et les mecs d'aujourd'hui. Freegun, dès maintenant sur le site officiel freegun.com et sur la page Facebook Freegun pour suivre tous les délires de la team Freegun Never Stop. Retrouve la ligne en exclu chez freegun.com et les points de vente habituels. C'est la radio libre de Diffoul sur Skyrock. Binda dans sa vie, elle consomme les hommes des autres sans aucun remords. Elle a pris du galon, traîne de chicha en chicha, mais plus dans les blocs. Sa physionomie, elle est plutôt jolie, donc elle surjoue de son corps. Elle te fera pigeonner, pigeonner, pigeonner, pigeonner jusqu'à ta mort. Tellement t'es con, t'en veux encore. Oui, parce qu'elle est bonne, t'en voudrais encore. Et quand elle déboule sur la piste de danse, tout le monde voudrait la follow. Analyse le matos, mon poteau, pour la soulever, faut plus qu'un permis moto. Elle t'a donné soif, tu veux la consommer, consommer son boule, c'est de l'eau. Elle t'a fait trop mal, trop mal, trop mal, trop mal, ce bout. On a pris la nuit, c'est une bombe, c'est une kamikaze. Soleil de minuit, elle fait tomber les ans sous son blabla. Elle provoque des balles, car elle est dans le cœur de tous mes scars. De Marseille à Paname, on lui veut la pendaison comme ça. Pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta.

Ah ouais, t'as envie de péter ton truc. Étoile filante. Ouais. De toute façon, en soi, moi, je trouve que tous les réveils, ils ont un son de merde. Non, mais à partir du moment où ça réveille, c'est horrible. Bord de mer. Ça veut dire que tu dois te lever, quoi. Non, mais non, mais après, c'est musique de film de cul. Hein, c'est un truc qu'ils ont fait sur l'iPhone qui est bien maintenant, c'est que tu peux choisir les morceaux que t'as dans ton iPod. Chuchois, la bite. Ouais, c'est ça. Si t'as des morceaux dans ton iPod, tu peux choisir les morceaux dans ton iPod pour te réveiller. Non, mais au final, t'as qu'à te réveiller avec l'appli Skyrock, ça marche aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais, bah tiens, voilà. Une bonne idée pour te réveiller. J'ai pas d'iPhone, donc voilà, c'est l'occasion. J'ai un téléphone tout pourri. Donc, ah oui, mais. la gratte. Ah, bah, ouais, mais on t'offrira pas de téléphone. Non, mais c'est mort, Leïla, je te le dis direct, tu n'auras pas de téléphone. Et il y a quand même un paquet de réveils pourris, hein, quand même, sur le truc. Ouais, c'est clair. Le truc, c'est que je cherchais vraiment des solutions parce que je me suis grave enfermée dans mon mensonge. Et en fait, j'ai dit à mon employeur, parce qu'en fait, il m'a menacé de me virer à plusieurs reprises. Ah bah ça arrive en retard tous les jours, oui. Bah ouais. Et en fait, je suis arrivée au taf, en fait, j'ai pris une lingette démaquillante et j'ai commencé comme si j'allais me démaquiller. En fait, j'avais les yeux de panda, comme si j'avais pleuré, en fait. Ouais, écoutez, panda tout à l'heure. Et du coup, j'ai fait style qu'on m'avait agressé, tout ça. Et du coup, mon employeur, il m'a laissé aller porter plainte, tout ça. Et j'ai dû porter plainte. Une fausse agression, t'es pas c'est bien, ouais. C'est du joli. C'est du beau, c'est pas bon, ça. C'est du propre. Ah ouais, c'est pas bon. Et du coup, c'est trop la merde parce que j'ai dû décrire quelqu'un qui m'a pas agressé. Oui, alors il est petit, il a des lunettes. Il a poussé un cri de guerre, mais alors tout à fait bizarre quand il est arrivé. Il a dit. Je ne sais pas qui est-ce. Mais tu sais que tu t'exposes à beaucoup d'emmerdes. Mais ouais. Grave, et le pire dans tout ça, c'est que j'ai dit que c'était un rebeu, un petit P black, tout ça, donc j'ai fait un peu la meuf, voilà. C'est bien, voilà, oui. Puis, pas dans les clichés du tout. C'est un rebeu, mais il était black. Venir du Congo. Ouais, un rebeu black. Du Congo. Limite. Non, de chinois. Limite chinois. C'est une fausse déclaration, tu sais que tu peux avoir des poursuites judiciaires. Bien sûr, mais grave. Bah ouais, puis ils ont pas que ça à foutre. Parce qu'ils ouvrent une enquête derrière. Bah surtout, s'ils se rendent compte que t'as raconté de la merde, t'inquiète pas que t'auras des nouvelles, mais pas des bonnes. Mais pourquoi tu t'es mis à inventer ça? Et en plus, ton patron, il peut te jeter aussi. Bah ouais, comment tu t'es dit, je vais inventer une. Je vais inventer un truc pareil. On m'ont dit à la prochaine prochain retard, ça y est, c'est bon. C'est et pas là, tu t'es dit, t'as paniqué. Plus la peine de revenir, en fait. Ah ouais. Ouais, t'as paniqué, donc t'as inventé ça, quoi. Ouais, ouais, sur le coup, ouais, c'est sûr. Ouais. Ah bah, réveille-toi plus tôt, ma grande. Hein. Voilà, ouais, ça t'évitera, mieux, ouais, ça t'évitera des emmerdes. Plus tôt, c'est mieux. Bon, en tout cas, il y a des conseils qui arrivent pour ceux qui ont du mal à se réveiller. On aura Mousse au téléphone en direct d'Evry avec nous. Tiffany également, qui a des conseils pour toi, Leïla. Donc, on va y revenir dans un instant. Tenez-vous prêts. Ouais. Le temps de retrouver la sélection de Karim pour cette soirée spéciale. Et ouais. Ton collector à toi, Karim. C'est ça, man. Alors, présente-le-nous. Oui. Qu'est-ce que c'est ton collector à toi? Alors, mon collector à moi, c'est mercredi dernier, on a fait un double appel qui s'est fini en multi-appel. Oui. Et c'était des gens de Bretagne. Et oui. Ouais. Et c'était bien d'Arca. Et c'était bien d'Arca. Et ben c'est parti, voici donc le double appel multi-appel de Bretagne. Qu'est-ce que tu veux? Je vous appelle pas, c'est vous qui m'appelez, là. Aucun des deux n'a appelé l'autre. Patrick. C'est Cédric. C'est Patrick ou c'est Cédric? Le double appel de Difool sur Skyrock. On aimerait bien te toucher. Oh bah tiens. Culé, quoi, là, oh, Marie. Un petit code à son passant. Marie, t'as été bien reçu. C'est sympa, ouais, tu m'étonnes. Bien reçu par la famille. Alors, attention, il est où, Patrick? Il est en érection ou pas? Ah, il est en érection ou pas, ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, il est là, il peut intervenir dans le double appel, bien sûr. Alors là, on va aller. Tu vas chez les Bretons, du côté de la Bretagne, on va. Du côté de la Bretagne, parce que t'as plein de voisins en Bretagne. J'ai plein de numéros en Bretagne. Il y a un truc qui est bien, c'est quand vous nous envoyez un numéro à appeler pour le double appel, vous voulez qu'on appelle quelqu'un que vous connaissez, des potes, des profs, j'en sais rien, de la famille. Vous nous laissez un numéro, mais quand vous en laissez plusieurs, c'est encore mieux, parce qu'on peut... On peut les rendre fous. Voilà, on peut les rendre fous. Et on va essayer, on va faire un petit tour, donc, chez nos amis les Bretons, t'as préparé tous les numéros, mais il y en a combien? 2, 3, 4, 5, oula. Bah, s'il y en a pas un qui répond, je le balance, même si ça... Ouais, on va. Ouais, pas con. Allez, on voit ça. Sauce, c'est parti pour le double appel, vous connaissez le principe, nous on dit rien. Ah, putain, un fax. Ah bah, il marche bien le fax, dis donc. Ouais, vas-y, rappelle-en peut-être un autre en plus. Comment que c'est? Ah. C'est qui c'est qui a l'appareil, là? Ah, c'est monsieur. Oui. Ah, vous vous trompez, là, monsieur? Ah non, c'est vous qui venez de m'appeler. Bah non. Bah si. Ah non. J'ai pas téléphoné. Ah bah moi non plus, c'est mon téléphone qui téléphone et je vous ai eu au téléphone. Qui? Bah vous, à l'instant. Qui, moi? Comment je m'appelle? Bah je sais pas, justement. Ah bah alors, vous êtes trompé de numéro, puis c'est tout. Bah non. Vous êtes chez moi, donc moi je réponds. Au revoir. J'ai pas de communication avec vous, monsieur. Je vous connais pas, moi. Allô? Allô, oui. Oui, allô. Bah, je vous appelle pas, moi. Allô. Bah, moi, j'ai pas téléphoné. Là, le téléphone a sonné, j'ai répondu, c'est vous qui me rappelez. Ouais, autrement, j'ai pas fait de communication téléphonique, vous vous trompez. Hein. Ah bah oui, hein. Regardez le numéro que vous avez vu, puis vous verrez que ça correspond pas à ce que vous voulez. Hein. Ah non, c'est vous qui m'appelez. Ah bah, moi je suis pas masqué, de toute façon. Hein. Pardon, vous êtes qui aussi déjà au téléphone? Non. Patrick. Patrick. Vous pouvez répéter? Ben, moi je suis Patrick. Hein. Et je pourrais savoir qui vous êtes? C'est qui Patrick? Patrick Pauvre d'Arvor? Ouais, absolument, oui. Ah bah, y a pas de problème! Vous pouvez venir! Tu me feras une pipe au champagne? Bah écoutez, vous savez quoi? Le mieux, c'est la meilleure solution. Je vous ferai une pipe au chocolat, si vous voulez, même. Comme ça, moi, j'aurai les boules gratuitement. Si vous voulez, même, je vous ferai une pipe au chocolat, même, et vous aurez les boules gratuitement. C'est voilà. Et sur ce, je vous mets un doigt. Doigt dans la chatte, là. Hein? C'est quoi? Je vous passe mon oncle à l'appareil. Je vous passe mon oncle, ce serait plus facile. Il adore ça, lui. Mais non, je connais pas, c'est en privé. Oui, allô? Je vais te donner une petite combine, là. Oui, donnez-moi une combine, parce que là, je vois pas. Parce que moi, vous m'appelez, c'est en privé. Donc, tu l'éponges bien? Il veut une éponge, Patrick, pas de balabo. Oh. Allô? Allô? Vous êtes qui à l'appareil? Mais qui c'est qui est au bout du fil? Oui, mais ça me dit pas qui c'est. C'est une erreur, hein. Oui, bah écoutez, c'est une erreur, au revoir. Et Boris? Boris? Allô? T'as reconnu? T'as une grosse bite, hein? Ah, mais c'est toi, toi. Bon, vous êtes qui à l'appareil? Patrick. Bah, Patrick, qui? Eh, hey, je vais finir me faire chier, là. Moi, je vais faire une bonne plainte aux flics, vous allez voir un peu, hein. Faire le con. Moi, je vais voir un peu comment ça va aller, hein. Il y a du bras dans le tuyau. Ouais. Ben, je sais pas, mais bon, c'est ça, les amuse. Moi, ça me dérange pas, hein. Je paye pas le téléphone, je suis en limité. Maintenant, on m'appelle en privé, ben, on m'appelle en privé, ben, bon, ben, en plus, c'est tout. Ouais. Google, compagnie. Soit c'est un ordinateur, soit qui passe par une machine, une centrale vocale sonore par les ondes. par le biais de. On le voit que. Écoute. Comment? Alors, c'est bon ou pas? Il va pas éjaculer tout de suite. Bah, je m'as demandé si j'avais pas éjaculé, alors donc voilà. Quoi. Mais, écoutez, c'est ça, il peut pas éjaculer, il s'est fait opérer des testicules. Il y a un mot. Non, mais c'est bon ou pas? Alors, comment voulez-vous qu'il passe quelque chose? Ouais, absolument, ouais. Oh, mais j'ai appelé son copain Mohamed pour venir l'aider. Oh putain, oh, j'aurais tout entendu. Alors, écoutez, en plus, elle vous amène chez le médecin pour qu'il passe recoudre le trou du cul parce qu'il a tellement sodomisé à sec, hein. Il l'a défoncé. Le Mohamed, il en a tellement de grosse qu'il en a perdu ses boules. Mais non, mais là... Bon, on vous dit bonne nuit. Parce que là, maintenant, on doit se faire une pipe à 3. On ne sait pas comment on va faire à 69. Parce que là, c'est un peu dur. Hein. J'ai appelé 15 jours pour lui demander comment on peut faire 102. Il m'a dit ça n'existe pas. Il m'a dit, par contre, un double 69, c'est très bien. Pourquoi tu l'as appelé de l'au-delà? Dieu est allé. Merci parce que on s'ennuyait. Alors il fallait un con qui nous parle au téléphone. Alors merci. Et au fait, je vais faire la vache. Allez. Merci. Au moins on rigole. Et là-dessus, on te fait un gros bisou. Allez, on vous fait tous un gros bisou à la radio. C'est quoi comme radio? Allez, je te laisse, ciao. Tu nous laisses. Je suis pas défoncé, non? Moi non plus, allez, ciao. Non. Ouais, je suis à poil, là. Eh ben, c'est bien. Salut. Allez, bonne continuation. Eh ben, salut. Également. Salut, ouais. La même. C'est un autre qui nous a fait un spectacle. Ah ouais, c'est vrai. Le mec qui nous a fait son one man show. Et ouais, on peut s'attendre à de ouf. Un one man show gratuit. One man show gratuit ce soir. Merci. Bon choix, Karim. Merci les gars. Merci Kirki. Bon, il faut pas qu'on s'en aille. Merci Kirki. Il faut pas qu'on s'en aille sans avoir filé un petit coup de main à Layla. Layla, parce qu'elle est dans la merde. Ah ouais, la merde jusqu'au cou. Alors, elle a menti, elle a mitonné, elle a porté plainte. Alors, des idées que vous nous laissez là depuis tout à l'heure. Pour aider Layla, moi je sais pas, moi j'irai retirer ma plainte, mais tu vas passer pour une conne si tu retires ta plainte. C'est plusieurs messages que vous avez laissés tout à l'heure. Donc, surtout, ils vont te demander pourquoi. Donc, pour expliquer, t'arrives en retard au boulot. Si tu leur expliques, finalement je la retire, c'est du mytho. Ah ouais. Ah non, là tu vas avoir des problèmes. Parce qu'il y en a plein qui disent de retirer ta plainte. Non, mais en plus, c'est marqué. Ça sera classé sans suite, je pense.